Praise the Lord. Understand the kingdom of heaven. Das Königreich Gottes verstehen. Amen. Amen. Understanding the kingdom of heaven. Das Königreich des Himmels verstehen. Comprendre le royaume des cieux. The Lord wants us to understand this kingdom. Der Herr will, dass wir sein Königreich verstehen. Le Seigneur veut qu'on comprenne son royaume. Amen. Amen. It is very, very important that we understand our kingdom. Es ist sehr wichtig, dass wir sein Königreich, unser Königreich verstehen. C'est vraiment important de comprendre son royaume, notre royaume. Please go to Matthew 13. Matthäus 13, bitte. En voici. Matthieu 13. On va lire Matthieu 13, verset 19. Matthieu 13. He said, when anyone heareth the word of the kingdom and understandeth it not, you get it there. Mm-hmm. Understanding. Verstehen. The kingdom of heaven is das very Königreich important. Des Himmels verstehen ist sehr wichtig. Comprendre, also chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume de Dieu ne comprend pas, donc la compréhension est vraiment très importante. And how you understand it is very important also. Ah. Und wie du das verstehst, ist auch sehr wichtig. Et la manière laquelle tu le comprends, c'est vraiment important. He said, and understandeth it not. Then cometh the wicked one, and catcheth away that which was sown in his heart. This is he. We receive seed by the wayside. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. We should be more of the kingdom of heaven than the kingdom of this world. Uns sollte es mehr um das Königreich des Himmels gehen als um das Königreich dieser Welt. Ici dit quand on ne comprend pas, le diable vient arracher. C'est pour cela on doit vraiment être conscient du royaume des cieux. We should be more of the citizen of heaven than the citizen of any country in this world. Wir sollten mehr Bürger des Himmels sein als Bürger dieser Welt. On doit vraiment être les citoyens du royaume des cieux que les citoyens de ce monde. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. And for us to be more of the kingdom of heaven, we need to understand our heavenly kingdom properly. Und damit wir zum Königreich gehören, müssen wir unser Königreich vernünftig verstehen. Pour qu'on puisse faire partir de notre royaume, on doit vraiment comprendre notre royaume. Amen. Amen. Understand the kingdom of heaven than the kingdom of this world. Das Königreich des Himmels mehr verstehen als diese Welt. On doit vraiment comprendre le royaume des cieux plus que le royaume de ce monde. It is a pity that it's opposite. We understand the kingdom of this world more than the kingdom of heaven. Es ist schade, dass wir das Königreich dieser Welt mehr verstehen als das Königreich. C'est vraiment dommage qu'on comprenne le royaume de ce monde plus que le royaume de notre Père. Ça, c'est vraiment pitoyable. On Wednesday, we are in 1 Samuel 8. And the book of Jonah. Christ, he wants us to go to those places today so that we can understand how his kingdom love repentance. Am Mittwoch waren wir bei 1. Samuel und wir waren bei Jonah und der Herr möchte, dass wir wieder an diese Stellen gehen, damit wir noch besser verstehen, was Buße bedeutet. Mercredi, on a lu Jonah et on a lu l'histoire de Jonah et de Samuel, et l'Éternel veut qu'on puisse y aller encore une fois pour comprendre l'importance de la repentance. I hope you. How many people did you read it, please? Amen. Amen. Please learn to read and get it. The Holy Spirit, you know, all you get here is not all. Yeah, alles, was wir hier bekommen, once ist you are alone, allow the Lord to reveal more things. Das to was der Herr dir noch mehr offenbart. And I can see how the Lord also reveals even more things to your children. Anytime you open your mouth, I can see the revelation that's come out. Mm. Amen. Weil immer wenn ihr euren Mund aufmacht, sehe ich die Offenbarung, die da rauskommt. Vous devrez vraiment apprendre à faire vos devoirs de lire les passages bibliques que je vous donne de lire à la maison parce que c'est important. C'est pas seulement tout ce que vous recevez ici. C'est la seule révélation que vous pouvez avoir. Même quand vous rentrez à la maison, vous lisez, vous avez votre temps avec l'Éternel et vous lisez ces passages, l'Éternel va vous aider encore va vous révéler encore de plus. Before we go to those two places, please know that Christ loves repentance. Bevor wir zu den zwei Stellen gehen, lasst uns erkennen, dass Christus wirklich Buße liebt. Avant d'y aller là-bas, je veux que vous puissiez savoir et comprendre que l'Éternel aime la repentance. The main message was mainly of repentance. Seine Botschaft war oft auf Buße bezogen. Tout ce qui s'agit de ces messages, il s'agissait toujours de la repentance. On va lire Matthieu sur la repentance. Matthieu 4, verset 17. He said, from that time, Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Repentance. C'est pour ça. Il a dit de se repentir ici. This word repentance, he loves it so much. This word, il aime bien ce mot repentance. His message was about repentance. Une botschaft ging um die Buße. Dans son royaume, il s'agissait toujours de la repentance. It is still about repentance today. Und es geht immer noch um Buße. Il veut qu'on puisse toujours se repentir, changer. You can see how those that refuse to repent keep on falling. Ihr seht, wie die Leute, die sich weigern, Buße zu tun, fallen. Et tu peux voir comment tout le monde qui veut pas se repentir, comment ils sont en train de tomber. He is always looking for those that are ready for repentance. Er sucht immer nach den Leuten, die bereit sind, Buße zu tun. Lui, il cherche toujours la personne qui est prêt à se repentir. Amen. He is always looking for those that are ready for repentance. Er sucht immer nach den Leuten, die bereit sind, Buße zu tun. Il est toujours en train de chercher les gens qui sont prêts à se repentir. Because he knows that being a sinner is not your fault. Denn er weiß, dass ein Sünder zu sein, ist deine Schuld. Parce qu'il sait que le fait que tu puisses être un pécheur, c'est pas ta faute. By refusing to repent, then it's your fault. Also, ich weigere, Buße zu tun, das ist deine Schuld. Mais quand tu refuses de te repentir, ça c'est à partir de là que ça devient ta faute. To repent means to see him. Buße zu tun heißt ihn zu sehen. Se repentir, changer, ça signifie que tu commences à lui voir. To repent means to return to him. Zurück zu ihm zu kehren. Se repentir, ça signifie que tu retournes vers lui. We inherited sin. Wir haben die Sünde geerbt. Nous, on a hérité le péché. Just as we inherit his righteousness. Genau wie seine. Our his righteousness is our inheritance. Gerechtigkeit geerbt haben. Seine Gerechtigkeit ist unser Erbe. Tout comme on a hérité sa justice, c'est notre héritage. You became a sinner. That you are a sinner is not even your fault. Dass du ein Sünder bist, ist nicht deine Schuld. Le fait que tu puisses être un pécheur, c'est même pas de ta faute. It is your inheritance. Das ist dein Erbe. Ça, c'était ton héritage. That is why to be righteous is not based on you. It's based on your inheritance. Deswegen basiert deine Gerechtigkeit nicht auf dir selbst, sondern auf deinen Werken, sondern auf Jesus Christus. C'est pour cela ton héritage, c'est pas basé sur tout ce que tu fais, mais c'est basé sur ce que Jésus-Christ fait pour toi. That's why the Bible said in Ephesians 4, it said, put on the new man that is created in holiness and in righteousness. We don't learn to be righteous, to be holy, we put him on. You remember Christ. You remember the finished work of Christ. Lernen wir nicht, sondern wir haben sie geerbt und dadurch dieses Erbe erinnern wir uns, dass wir gerecht gesprochen sind durch sein vollbrachtes Werk, nicht durch unsere Werke. Et c'est pour cela en Ephésiens, il nous dit de vêtir la nouvelle armature, la nouvelle créature, la nouvelle personne qu'on est maintenant. C'est aussi un héritage qu'on a. On le fait pas ça à travers notre propre force. You know what we call sin, to steal, to kill, to and destroy. You know that is everywhere today. Just as man inherited sin. So also, the true God children, we inherit Christ's righteousness. Genauso wie die Menschheit die Sünde geerbt hat, so genauso haben die Kinder Gottes die Gerechtigkeit von Jesus Christus geerbt. Tout comme les pécheurs ont hérité les péchés, et c'est comme ça nous aussi les enfants de Dieu on a hérité la justice de l'Éternel. Praise the Lord. Amen. Amen. That's why it's called Christ's righteousness. Deswegen ist die Gerechtigkeit von Jesus Christus. Et c'est pour cela on dit que c'est la justice, ça vient de l'Éternel. It is the doing of Christ. Es ist das Tun von Jesus. C'est que l'Éternel a fait. Amen. Amen. Just like the sin, it is the doing of Adam and Eve. So also your righteousness is the doing of Christ. Genauso wie die Sünde von Adam und Eva ist, ist die Gerechtigkeit von Jesus Christus. Tout comme le péché et l'héritage de Adam et Eve, nous aujourd'hui, c'est notre héritage, c'est la justice de l'Éternel. Romans 5 from verse 12. Romains 5 verset 12. Romains 12 5 verset 12. He said, wherefore as by one man sin entered into the world. You see there. Mm. By one man. And that one man is not even you. Dieser eine Mensch bist noch nicht mal du. And death by sin. And so death pass upon all men. For that all have sinned. Mm. You can see that sin is inheritance. Wir sehen, dass die Sünde geerbt worden ist. Ainsi donc, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi la mort a passé dans tous les hommes, parce que tous ont péché. Praise the Lord. Alléluia. Verse 13 says, for unto the law sin was in the world, but sin is not imputed where there is no law. Until there is law, you never violate law. Erst wenn es ein Gesetz gibt, kann man ein Gesetz übertreten. Wenn es kein Gesetz gibt, gibt es auch nichts zu übertreten. Donc on voit ici verset 13 nous dit que dès que tu y a, ça nous fait montrer que quand il y a une loi, c'est là que tu es capable de violer une loi. Mais quand il n'y a pas de loi, il n'y a rien à violer. Are you getting it? If there is no, you can only drive 30. And if you drive 50, you are not violating any law. Genau. Wenn du auf der Straße fährst und da ist kein 30er im Schild und du 100 fährst, dann ist alles in Ordnung, wenn du auf der Autobahn bist. Ne? Und du 100 fährst, ist in Ordnung. Aber wenn da jetzt ein Schild stehen würde und du 100 fährst, dann hast du ein Problem, weil das Schild das Gesetz ist sozusagen und du übertretest es. Yes, no. Comme par exemple quand tu es en train de conduire la voiture et si tu es par exemple dans l'autoroute et que tu es en train de conduire à 100 vitesse. 100 à l'heure. 100 à l'heure, merci. Et s'il n'y a pas un panneau, c'est pas un problème. Mais s'il y a un panneau, ils ont écrit que tu n'as qu'à rouler 30 ou bien 80 ou bien même à 70. Là, tu as un problème parce que tu as violé l'ordre de la loi. La loi. Le panneau et la loi. Praise the Lord. Hallelujah. You know, this verse 13 should help us to understand things a lot. Mm. That we should not make things to become law. If not, you are bound to fail. Vers 13 wollte uns klar machen, dass wir sollen Dinge nicht zu einem Gesetz machen, weil wir sonst fallen werden. Et verset 13 nous fait voir que on ne doit pas les choses qu'on est en train de faire ici, on ne doit pas le faire à travers la loi parce que ça c'est une question du temps jusqu'à ce qu'on puisse violer cette loi. Amen. You know, if you say every 12 o'clock I'm going to be praying. Mm. You have made that time a law. And you know, Satan is the accuser of the brethren. Mm. And he's watching you. Amen. Mm. And that's why, you know, it's not this time. It is my focus is completely Christ. Amen. Amen. Deswegen, wenn du zum Beispiel sagst, ich werde immer um 12 Uhr jeden Tag beten, dann hast du sozusagen ein Gesetz gesprochen für dich oder das als Gesetz für dich festgemacht. Mhm. Und der Teufel weiß das natürlich und er wird dich dann halt versuchen. It's a matter of time, you fail it. Er wird dich halt versuchen, dann zu verurteilen, wenn du es dann mal nicht schaffst, um 12 Uhr zu beten. Mhm. Ja. Tout comme par exemple, si toi tu te dis, dès aujourd'hui, je veux toujours commencer à prier à 12 heures, et il y aura un temps que tu ne vas pas y arriver à prier à 12 heures parce que tu as des courses ou tu as dormi, je ne sais pas quoi. Mais à la fin, le diable va commencer à t'accuser, il va te dire, mais c'est pas toi qui avais dit que tu vas prier à 12 heures. Il va commencer à t'accuser et ça, tu vas te sentir coupable. Deswegen sollst du dich ja auch vom Heiligen Geist leiten lassen und einfach sagen, mein Fokus ist auf Jesus Christus. Und das ist etwas, was da gibst du dem Teufel halt eben keinen Raum, dich zu verurteilen, weil dein Fokus immer auf Christus ist. Es ist so, als ob du nicht mehr atmen würdest, ne? Et c'est pour cela, c'est vraiment important de se laisser guider par le Saint-Esprit chaque jour parce que, et de voir Jésus-Christ lui-même. Sinon, c'est une question du temps jusqu'à ce que le diable commence à te faire, à te donner, à te culpabiliser. Amen. You know, there was a man that you were, you know, a church, a group of people also, a church that is Kim Il-sung also. We were preaching to the other time. You know, this church... you know, they pray 5 times in a week or in a day, or I don't know. You know, I don't. I don't pray 5 times in a day. I pray 24/7. Amen. Amen. Amen. You know, once you make something to not become law, you know, Satan is the author of condemnation. He will condemn you. And what does condemnation mean? A condemned building needs to be destroyed. Und ich kann mich noch daran erinnern, als wir Kontakt hatten mit dieser religiösen Sektengemeinde, Shinjong-su oder so. Shinjong-ji. Ja, und diese Leute hatten halt sehr feste Zeitpläne, ne, wann sie was machen, ne, wie lange diese Bible Studies gehen, wie lange Bibelstudium geht, wie lange sie beten, wie lange sie das und das machen. Sie hatten alles war sehr fest und krass geplant. Und das ist aber religiös, das ist nicht Christus, ne? Das ist das Fleisch. Und ich habe immer 24/7 Beziehung mit Jesus Christus. 24/7 lese ich die Bibel, weil die Bibel zu lesen Beziehung mit Jesus Christus heißt. Und diese Beziehung führe ich jeden Tag und jedes, also immer. Ne? Weil ich ja immer mit ihm bin und er immer bei mir ist und er immer in mir ist. Mhm. Und deswegen soll unser Fokus lieber darauf sein, anstatt irgendwelche Zeitpläne einzuhalten. Je me rappelle quand, par exemple, on avait prêché à un groupe des gens qui s'appelaient les soi-disant enfants de Dieu. Eux, par exemple, ils ont eu... ils étaient une secte et puis ils étaient en train de... Ils avaient leur plan pour prier, pour prêcher chaque jour. Ça doit être combien de minutes, combien d'heures. Et ils avaient des histoires. Donc, c'était vraiment très strict et très ordonné. Verse 15 of Romans 5. Et c'était pas bien en fait. He said, but not as the offense. Oh, ok. Et maman, par exemple, par contre, elle a dit, nous les enfants de Dieu, elle, par exemple, aujourd'hui, elle a une relation avec l'Éternel 24 heures sur 24. Donc, c'est pas une chose stricte, mais c'est une chose qui est toujours, c'est comme si tu étais en train de respirer. Verse 15 of Romans 5. Romains 5, verset 15. He said, but not as the offense, so also is the free gift. For if through the offense of one, many be dead, much more the grace of God and the gift by grace, which is by one man, Jesus Christ. Are you getting it? Amen. Had abounded unto many. Amen. That believe. Yeah. That surrender to him. Die sich ihn hingegeben haben, die glauben. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 16. Verse 16. He said, and not as it was by one that sinned, so is the gift. For the judgment was by one to condemnation. But the free gift is of many offenses unto justification. Verse 17. For if by one man one man's offense death reigned. Huh. Are you getting something? Mm-hmm. By one much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one Christ Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, we believe that of by one man death reign. We don't believe that by that one man Christ Jesus there's righteousness. Mm. Wir glauben und sehen, dass die Sünde herrscht durch einen Menschen, nämlich Adam. Aber wir glauben oder sehen nicht, dass die Gerechtigkeit regiert durch Jesus Christus. Et c'est vraiment pitoyable qu'on n'est pas capable à voir à travers verset 17, on nous dit aussi concrètement que à travers une seule personne, Adam et Ève, on a hérité la mort, hein, et le péché. Mais on n'arrive pas à croire qu'à travers Jésus-Christ, à travers sa mort, à travers son sacrifice, qu'on a hérité la justice. C'était ça qui est écrit au verset 17. You know, here is telling us that sin, my inherited sin. So wie steht, dass der Mensch die Sünde geerbt hat, dass die Sünde unser Erbe ist. Et ce verset nous fait voir que l'être humain a hérité le péché. Verset 10, it says, therefore, as by one offense of one, judgment came. By one, judgment came. Mm-hmm. You are being judged because of Adam. Not because even you. Verurteilt wegen Adam, nicht wegen dem, was du per se getan hast. Ainsi donc, comme par la faute d'un seul, la condamnation est venue pour tous les hommes. Donc, c'est à travers Adam, la condamnation d'Adam, que nous, on a hérité aujourd'hui. C'est ce qu'on voit ici. You know, that is why even if you don't still kill and destroy, you are still a sinner. Selbst wenn du nicht tötest, stehlst und zerstörst, bist du dennoch ein Sünder. C'est pour cela, même si tu n'es pas un menteur, tu n'es pas un tueur, un meurtrier, je sais pas quoi, tu restes toujours un pécheur, même si tu fais pas ces choses-là, parce que tu l'as hérité. Amen. Lord came so that to help us to surrender to Christ and not even to obey, because no one can go there. No one can fulfill the law. Und niemand kann das Gesetz erfüllen. Das Gesetz ist nur gekommen, um alle sozusagen in die Knie zu zwingen und zu zeigen, dass niemand gerecht werden kann vor Gott, ohne Jesus Christus. Et c'est pour cela la loi n'est pas venue pour qu'on puisse l'accomplir, parce que une personne est capable d'accomplir la loi. La loi est venue seulement pour nous faire voir qu'on a besoin d'un sauveur, on a besoin de Jésus-Christ pour être capable à être libre, à être libéré. You know, it's not like the natural law. You know, if they write 30, for example, on the ship, if you don't drive above 30, it means you are not guilty. But this, that of Christ, once you violate one, you violate all. Mm-hmm. It's different. Es ist nicht so wie in der Welt, wo es verschiedene Übertretungen gibt. Das ist okay, du bist jetzt zu schnell gefahren und das, dann bezahlst du die Strafe, alles ist gut, sondern du bist zu schnell gefahren und deswegen wirst du jetzt dein Leben lang im Gefängnis sein, weil du mit diesem zu schnell fahren auch gleichzeitig jemanden getötet hast, jemanden beklaut hast und jemandes Besitz zerstört hast, weil du in allem schuldig bist. Und so ist es halt im Königreich Gottes, dass wenn man eine Sache übertretet, ist man in allem schuldig. Et c'est pour cela la justice de l'Éternel, c'est pas comme la justice de ce monde. C'est dans ce monde, par exemple, quand tu roules en vitesse et tu dois seulement payer. Tu ne dois pas partir au cachot, par exemple. Mais dans la justice de l'Éternel, si tu as violé une loi, tu les as tous violés. Donc, ça signifie que dans la mentalité du royaume, si tu roules vite, tu es comme un meurtrier. Tu n'as pas il n'y a pas de différence. And that's why man cannot live without sin. Der Mensch kann nicht ohne Sünde leben. Et c'est pour cela l'être humain ne peut pas vivre sans le péché. Praise the Lord. Amen. Amen. Because if you violate one, you violate all. Wenn wir eins missachtet, haben wir alle missachtet. Parce que dès que tu violes une loi, tu les as tous violés. Amen. Jakobus, schütte. C'est écrit dans Jacques. Amen. And there are so many that you cannot even live without violating one. Und es gibt so viele Gebote, dass du kannst gar nicht leben, ohne eins der Gebote nicht zu missachten. Donc il y a vraiment beaucoup de lois que tu ne peux pas vivre sans violer une de ces lois. Knowing and unknowingly. Wissend und unwissend. Conscient ou bien inconscient. Amen. Verset 18. Verset 18. It says, therefore, as by one offense of one judgment came upon all men to condemnation, even so by the righteousness of one, the free gift came upon all men. Unto justification of life. Verse 19. For as by one man's disobedience, many were made sinners. So by the obedience of one shall many be made righteous. Amen. Amen. Are you getting it? Yo. De même, en effet, que par la désobéissance d'un seul homme, tous ont été constitués pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul homme, tous seront constitués justes. Verse 20, it says, moreover, the law entered that the offense might abound. But where sin abounded, grace did much more abound. Praise the Lord. Hallelujah. Our victory is greater. Unser Sieg ist größer. Notre victoire est plus grand. What he did for you is bigger than all these sins together. Was er für dich getan ist größer als alle Sünden zusammen. C'est que lui il a fait pour nous, pour toi aujourd'hui, c'est plus grand que tous les péchés. That's why the drop of his blood is enough to pay all the Amen. Sins. Deswegen ist ein Tropfen von seinem Blut genug, um alle Sünde zu begleichen. C'est pour cela que juste un goût de son sang est suffisant pour payer tous les prix de péchés que tu as commis. You can see what made us one family, the blood of Christ. Amen. How great that blood is. Are you getting it? Ihr seht, wie groß und wichtig dieses Blut ist, was uns zu einer Familie gemacht hat. Tu peux voir, en effet, tu peux voir la grandeur du sang de ce sang qui a fait de nous une famille. Verse 21. That as sin hath reigned unto death, even so might grace reign through righteousness unto eternal life by Christ Jesus our Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, Christ came with another inheritance. Christus kam mit einem neuen Erbe. Jésus-Christ est venu avec une nouvelle héritage. That he wants us to accept. Dass wir akzeptieren sollen. Qui voulait qu'on puisse accepter. We inherited sin. Wir haben die Erbe. That is man inherited sin. That Christ came with another inheritance. Aber Christus kam mit einem anderen Erbe. That is okay. L'être humain est venu, l'être humain a hérité le péché, mais Jésus-Christ est venu avec un autre héritage. That is greater than the sin. Das größer als that you inherited. Die du geerbt hast. Are you getting it? Jésus-Christ est venu avec un héritage qui est plus grand que le péché que tu avais hérité. And that's why I said repent from the other. Repent from the other inheritance. Tut Buße von dem alten Erbe. Et c'est pour cela qu'il te dit aujourd'hui de te repentir de ton repens-toi de ton ancien héritage. Amen. You know, on Wednesday we read 1 Samuel 8, the book of Samuel, and also the book of Jonah. If we will go to those two places again today, you know, both talked a lot about repentance. That very place. Beide Stellen haben sehr viel über Buße gesagt, die Stellen, die wir am Mittwoch uns angeschaut haben. Les versets bibliques qu'on avait lus mercredi de Jonas et de Lot, on avait vu qu'il y avait dans tous les deux places, ils ont beaucoup parlé de la repentance. Even Jesus spoke about Jonah and Nineveh. Auch Jesus hat über Jonah und Nineveh gesprochen sogar, même als er physisch hier war. 12, même yes. Jésus-Christ, quand il était ici, physiquement, il a parlé de Jonah et de la cité Ninive. On va le lire à Matthieu 12. I hope you still remember that city, Nineveh. Matthieu 12, Matthieu 12, verset 38. Amen. He said, the setting of the scribes and the Pharisees answer, saying, Master, we will see a sign from thee. 39. But he answered and said unto them, an evil and adulterous generation seeketh after a sign, and there shall no sign be given to it. Stop seeking sign. Give me sign so that I know. Christ that he died for you is enough sign. Hör auf, nach Zeichen zu suchen, dass er für dich gestorben ist, ist Zeichen genug. Ici, verset 39 nous dit que nous dit aussi qu'on doit arrêter de chercher des signes parce que le fait qu'il est mort pour nous, c'est déjà un signe pour nous. C'est suffisant. You know, religion is so occupied with signs. Religion ist so umgeben von Zeichen. La religion veut toujours avoir des signes. Amen. They always seek signs. And Satan have a lot of signs to reveal to them. Und sie suchen immer nach Zeichen, deswegen gibt der Satan auch viele Zeichen. Les religieux sont toujours en train de chercher des signes et c'est pour cela que le diable les donne aussi beaucoup des signes. He said, an evil and adulterous generation seeketh after a sign, and there shall no sign be given to it, but the sign of the prophet Jonah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Verse 40. 40. For as Jonas was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Are you getting it? Amen. Look at verse 41. And 40. Verse 41. He said, the men of Nineveh, they repented when they heard of Jonah, what Jonah said. And today you see me, what I say, with everything, you cannot even repent. Die Menschen von Nineveh, sie haben Buße getan, als Jonah gesprochen hat. Und das, was Jonah gesagt hat, war eigentlich richtig kurz und knapp. Er hat vielleicht einen Satz gesagt und sie sind darauf hängen geblieben, haben direkt Buße getan. Aber heute haben die Menschen so viele Sachen gesehen oder schriftlich festgehalten, dass Jesus Christus für sie auf diese Welt gekommen ist, gestorben ist, auferstanden ist und sie weigern sich dennoch Buße zu tun. Deswegen werden genau diese Leute im Gericht vor ihnen stehen und sie anklagen. Et c'est pour cela ici on voit ici que Jésus-Christ lui-même il a donné l'exemple de Jonah. Il a dit que quand il a parlé aux hommes de Ninive, ces gens-là, ils se sont repentis. Mais vous me voyez ici en os et en chair, vous n'êtes pas encore capable de vous repentir. Et ça signifie que au jour du jugement, ces gens-là vont se justifier devant l'Éternel à la fin. Don't look for any sign that if God loves you, show me sign that He died for you is enough sign. Sag nicht in deinem Herzen, ich suche nach einem Zeichen und deswegen, wenn Gott mich liebt, soll er mir ein Zeichen geben. Nein, dass er für dich gestorben ist und auferstanden ist, das ist Zeichen genug. Amen. C'est pour cela, ne cherche pas de signe et de dire à l'Éternel, mais Dieu, si tu m'aimes, fais-moi avoir un signe, montre-moi un signe. Tu ne peux pas le dire ça parce que le fait qu'il est mort pour toi, qu'il s'est donné pour toi, c'est suffisant comme un signe d'amour. He said, the man of Nineveh shall rise in judgment with this generation and shall condemn it because they repented. You see something there? At the preaching of Jonah. The preaching of Jonah. Die Verkündigung von Jonah. They're not allowed to come here. The message cannot, they refuse to repent. Viele Leute werden hier hinkommen, die Gemeinde, und die Botschaft wird ihnen nicht reichen, um Buße zu tun. Les hommes de Ninive se dresseront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils ont fait pénitence à la voix de Jonah et il y a ici plus que Jonah. You know how many words did they hear from Jonah? But how many words have you been hearing from here? And upon all you refuse to repent. Wörter haben sie von Jonah gehört, aber wie viele Dinge haben wir von Jesus Christus gehört und dennoch weigern wir uns Buße zu tun? Combien de paroles que Jonah a parlé à ces hommes-là pour se repentir? Il n'avait pas dit beaucoup de choses. Il avait dit juste une phrase. Et ces gens-là, ils étaient prêts à se repentir. Ils ont changé complètement leur vie. Mais nous, on vient ici à l'église. Combien de fois on écoute la parole de Dieu? Combien des heures on est en train de prendre? Combien de temps on prend ici à écouter la parole de Dieu? Mais après tout ça, on n'est jamais prêt à vraiment à se repentir de tout notre cœur. Who sent Jonah? Wer hat Jonah geschickt? God. Who sent me? Hat mich Lord Jesus. Hey Jesus. Qui avait envoyé Jonas, c'était Dieu. Et qui m'a envoyé, moi, c'est Jésus-Christ lui-même. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. He said they repented at preaching of Jonah. Mm-hmm. And behold, a greater than Jonah is here. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Upon the greater than Jonah, they cannot even mm-hmm. still repent. Obwohl ein größerer als Jonah jetzt hier ist, nämlich Jesus Christus, können sie keine Buße tun. Donc, malgré tout, il est toujours, malgré tout ce qui est en train de se passer, il est toujours venu, il est venu pour mourir pour toi. Look at, he also talk about another example. Hier hat er sogar noch ein Beispiel dazu genommen. Queen of Sheba. 42, die Königin des Südens. Et il a donné encore un autre exemple, si on regarde à verset 42. He said, the queen of the south shall rise up in the judgment with this generation and shall condemn it. For she came from the uttermost part of the earth to hear the wisdom of Solomon. Mm-hmm. And behold, a greater than Solomon is here. Amen. Christ is greater than Solomon. Amen. Jesus Christ's message is greater than whatever message Amen. Solomon had. Mm-hmm. Ici dit, la reine du Midi s'élèvera un jour au jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle est venue de extrémité de la terre pour entendre le message de Salomon. Et il a ici plus que Salomon. Donc Jésus-Christ était plus que Salomon. Si ces gens-là ont pu se repentir, comme la reine de Midi a pu se repentir à cause de Salomon, et nous, on refuse de se repentir à cause de Jésus-Christ, ils vont nous juger. You know, they're here, they were rejecting Jesus big time. Sie haben Jesus Christus hart verweigert. Ils ont vraiment, rejeté l'éternel Jésus-Christ. Just like they are still rejecting him today. Genau wie sie ihn heute noch verweigern, besonders in dieser Gemeinde. Tout comme ils sont en train de refuser de rejeter l'éternel Jésus-Christ ici dans ce ministère. You know, to be here at all is an is a great evidence against you. Hier Amen. Zu sein ist Very eine great. Ist ein großes Zeugnis gegen dich sozusagen. Le fait de que tu puisses être ici, ta présence ici, c'est vraiment un témoignage contre toi. Une évidence contre toi. You know, if you have been here at all and you can you are not able to make heaven. Your weeping regret will be greater than those that have never been here. Dass du hier bist in dieser Gemeinde, you know, love es nicht packst, in das Königreich des Himmels zu gehen, also in den Himmel zu gehen, das wird für dich schmerzhafter sein als Leute, die diesen Ort noch nie gesehen haben. Le fait que tu es venu ici dans ce ministère, ta présence ici, si tu n'arrives pas à entrer dans le royaume des cieux, ça sera une très grande évidence contre toi et le regret que tu auras à la fin, ça sera vraiment très douloureux. Just like they rejected Jesus. Genau so wie sie Jesus verweigert haben damals. They rejected him more. Und heute verweigern sie ihn sogar mehr. Tout comme ils ont rejeté Jésus-Christ à l'époque, ils continuent à le rejeter aujourd'hui encore plus, encore de plus. He always warned us before things come. Er warnt uns immer bevor Dinge kommen. Lui nous avertit toujours avant que quelque chose puisse y arriver. Praise the Lord. Hallelujah. He always warned. You know, things does not just come like that. That God is not a man. It's not wicked. Dinge kommen nicht einfach so. Gott ist nicht böse, ist nicht bösartig. Les choses ne s'arrivent pas seulement comme ça. Jésus-Christ, notre Dieu, il n'est pas méchant. Et lui, il nous avertit toujours. On va le voir aussi à 1 Samuel. Praise the Lord. You know what happened to people here should be a lesson for us also. Was hier passiert ist, Leuten passiert ist, sollte uns eine Lehre sein, dass der Herr dazu uns spricht. Tout ce qui se passe ici, ça doit nous avertir, ça doit être une leçon pour nous. Samuel 8. You know, it is a pity that they allowed themselves to be used. Es ist eine Schande, es ist auch eine Schande, dass sie zulassen, dass der Teufel sie nutzt. C'est vraiment pitoyable que ces gens-là sont en train de permettre que d'être un vaisseau pour le diable. And the Lord is now using them also to help us to learn. Und der Herr nutzt das jetzt auch, damit wir das helfen erkennen, was daraus lernen. Et l'Éternel nous aide aussi à comprendre, de voir ce qu'eux ils sont en train de faire, qu'on puisse apprendre de leurs fautes. We want to learn from one another, but let it be Christ. Wir wollen voneinander lernen, aber lass zu, dass es Christus ist. Oui, c'est vrai, on veut vraiment apprendre l'un pour l'un de l'autre, mais on doit essayer, on doit vraiment apprendre l'un de l'autre à travers l'Éternel. I'm not choosing Satan, and now I'm learning how, you know, I don't want to go to your area. So that I will not choose what you choose. Genau, und lernen und sagen, dass, ey, ich will nicht diesen gleichen Weg einschlagen, den du eingeschlagen hast. Ich werde mich für Jesus Christus entscheiden. On doit pas, on doit pas vouloir d'apprendre de nos mal. Donc, le fait que tu puisses faire quelque chose qui n'est pas bien, dans le, qui n'est pas bon, et moi, je vois ça, et puis je me dis, ah, ok, maintenant, je sais comment ça ne doit pas être, que je ne veux même pas être à côté de toi. Donc, on doit essayer d'apprendre de nos biens et pas dans le mal. You know, John 15, the Lord said he trained us with his word. And not with actually one another's problem. Mm. It should never be that. Mm. He trained us. The training should be through his word, the truth. Mm. Are you getting it? 15 steht, dass er uns eigentlich belehren und ausbilden will durch sein Wort und nicht durch die Fehler, die wir uns hier leisten, aber nur durch die Fertigung des Herzens muss man dann halt einfach auch aus Fehlern lernen. On voit que il nous dit qu'il veut qu'on puisse apprendre à travers sa parole, à travers l'obéissance. Mais vu que notre cœur est vraiment endurci quelquefois, c'est comme ça qu'on est en train d'apprendre à travers le mal qu'on est en train de faire. C'était pas son plan à la base. There are some mistakes you can never correct. Es gibt einige Fehler, die kannst du nicht mehr wieder gut machen. Es ist vorbei. Parce qu'il y a quelque chose qu'on peut jamais corriger. But once you are still alive, there's still chance for you to aber repent. Solange du noch am Leben bist, kannst du immer noch but you don't know tomorrow. Tomorrow might be too late. The next minute might be too late. Die nächste Minute, Sekunde könnte zu spät sein. Le fait que tu es toujours en vie, tu es entré encore dans ce monde, tu as toujours une possibilité à te repentir. Parce que le lendemain, tu ne sais pas. Tu sais pas. Aujourd'hui, tu es en vie. Et demain, tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. C'est pour cela que c'est important de continuer toujours à se repentir chaque jour. And the next minute, if death comes, that mistake will now turn to a mistake that you could not correct any longer. Und dieser Fehler wird dann zu einem Fehler, den man nicht mehr rückgängig machen kann. Parce que demain, si la mort frappe devant ta porte et toi tu as une faute et tu ne t'es pas repenti, ça signifie que tu as un problème avec toi, tu meurs avec un problème que tu ne pouvais même plus changer. 1 Samuel 8, from verse 9. 1 Samuel 8, von Vers 9. 1 Samuel 8, verset 9. Remember, they rejected Samuel. Erinnert euch, sie haben Samuel verweigert. Rappelle-toi, jusqu'ici, ils avaient rejeté Samuel. But the Lord did not see that it is Samuel that they reject. He said, I am the one they reject. Mm. They reject me. Und Samuel sagt, dass, ey, sie haben mich verweigert und nicht dich. Et Saul, il a dit que oui, écoute, nee, Gott Dieu, hat zu Samuel gesagt, voilà. Sorry, dass sie mich verweigert haben, nicht dich. Et Dieu a dit à Samuel, ils t'ont pas rejeté, ils m'ont rejeté, moi, l'Éternel. Because Samuel was just a messenger. Denn Samuel war einfach nur ein Bote. Vu que Samuel était seulement un messager. Just like I'm just a messenger. Genauso wie ich einfach nur ein Bote bin, er hat mich geschickt. Tout comme moi aujourd'hui, je suis aussi seulement une messagère. Praise c'est lui the Lord. Qui m'a envoyé. Amen. Amen. You know, God said, you are not the one they are fighting. I am the one they are fighting. Gott hat gesagt, du bist nicht derjenige, den sie bekämpfen. Ich bin derjenige, den sie gerade hier bekämpfen. Dieu a dit que tu n'es pas la personne laquelle ils sont en train de refuser, de rejeter. C'est moi qui sont en train de rejeter, vu que c'est ma parole. Praise the Lord. Hallelujah. From verse 9, because of time. We have a lot. Amen. He said, now, therefore, hearken unto their voice. Habit yet protect solemnly unto them. Protest solemnly unto them. Help them to know this. And show them the manner of the king that that shall reign over them. He wanted them to repent. Er wollte, dass sie Buße tun. Are you getting it? Bisher hat er ihnen ja auch gezeigt, was folgt, wenn sie sich gegen ihn entscheiden. Donc, l'Éternel voulait qu'ils puissent se repentir. C'est pour cela qu'il les a montré qu'est-ce qui va suivre s'ils refusent de se repentir. Things never come to people just like that. Conséquences, voilà. Dinge kommen. Until after a lot of warning. Mm. Warning and warning. Dinge passieren nicht einfach so im Leben der Kinder Gottes. Es gibt immer eine Warnung, eine Warnung, eine Warnung, ein Hindernis, was übersprungen und übersprungen wird, bis es dann passiert. Les histoires ne marchent, les problèmes ne viennent pas seulement comme ça dans la vie des enfants de Dieu. Donc, il nous avertit toujours. Et nous, on doit vraiment ignorer tous les avertissements jusqu'à ce qu'on puisse arriver dans un point où, où on tombe dans la mort ou dans quoi. You know, if the stone, if somebody throws stone at you and it is coming from distant and you can see it, you know, you can dodge it. Mm. But they could not even dodge it. Mm. Upon the warning. Ja, man kann sich das so vorstellen, das ist halt, als ob jemand einen Stein auf dich schmeißt und nicht von einer 60 cm Entfernung, sondern von einer, keine Ahnung, 60 Meter Entfernung schmeißt jemand einen Stein und du siehst, wie er auf dich zukommt, aber dennoch konnten diese Leute, obwohl sie gesehen haben, wie der Stein auf sie zukommt, diesem Stein nicht ausweichen. Donc, quand quelqu'un jette un gros une pierre contre toi, ça vient de la distance et là tu as le temps de bouger ou bien d'esquiver par exemple. Mais eux ici, on a jeté la pierre, c'était comme si on a jeté la pierre sur eux, malgré ils voyaient la distance, que ça venait toujours de près, ils n'avaient même pas de possibilité d'esquiver. D'esquiver. Oui, parce qu'ils ne voulaient pas se repentir, ils ne voyaient pas l'Éternel. Verset 10. Of the Lord unto the people. You know what Samuel was telling them was not coming from Samuel. But Samuel from the Lord. That's like what I say, what I give, what is coming out of me is not coming from me. Genau wie das, was von mir kommt, nicht von mir kommt, sondern von Herrn Jesus Christus. Himself. Amen. Christus Amen. Samuel rapporta toutes les paroles de Yahweh au peuple qui lui demandait un roi. Tout comme moi aujourd'hui, quand je vous donne le message, ça ne vient pas de moi, ça vient de l'Éternel. C'est lui qui m'a envoyé, tout comme il a envoyé Samuel. You know, somebody should fear Samuel. Jemand sollte eigentlich Angst haben vor Samuel respektieren. Les gens devraient normalement craindre Samuel, ils devraient respecter Samuel. Because whatever you do to him, you are doing it to God. Mm. Was immer man ihm antut, tut man Gott an. On devrait craindre Samuel parce que tout ce que tu fais de mal contre Samuel, tu le fais à Dieu parce qu'il était un messager. That's why somebody, you know, people should fear me. Deswegen sollten auch Leute Furcht vor mir haben. C'est pour cela les gens doivent aussi avoir peur de moi. No wonder in Matthew 18 said, if you offend this one of these little ones, better you kill yourself. Kein Wunder, dass in Matthäus 18 steht, dass wenn du einen dieser kleinen provozierst, ist es besser, dir das Leben zu nehmen. Et c'est pour cela aussi dans Matthieu 8, il a dit que c'est mieux pour toi de te tuer toi-même au lieu d'offenser un de mes petits. And as a husband and wife, you have to fear one another. Deswegen sollten Eheleute sich voreinander fürchten, weil wegen Christus in der Person und in dir. Amen. Wir bekämpfen nicht Christus. Amen. Et c'est pour cela, les mariés, hommes et femmes, vous devrez vraiment craindre ton partenaire parce que à cause du Christ dans la personne que tu as devant toi. If you make your wife sad, you make Jesus sad. Wenn du deine, if you make your husband sad, Ehefrau you make traurig Jesus sad. Machst du Jesus Christus damit traurig. Wenn du deinen Ehemann traurig machst, machst du Jesus Christus damit traurig. Et c'est pour cela que quand tu fais, quand tu attristes ta femme, tu es en train d'attrister l'Éternel. Tout comme quand tu attristes ton mari, tu es en train d'attrister Jésus Christ. What we say to one another is not coming from man, but from Christ. Look at it, verse 10. And Samuel told all the words of the Lord unto. You know, are you getting it? C'est pour cela tout ce que tu fais l'un vers l'autre, contre l'un vers l'autre, tu le fais contre Jésus Christ. Praise the Lord. Let us see the Christ in us. Lass uns Christus ineinander sehen. On doit vraiment apprendre à voir Jésus Christ en nous. Als Geschwister. Amen. Amen. Comme frère et sœur. Fear the Lord. Fürchte den Herrn. Amen. Tu dois vraiment craindre l'Éternel. It's better they call you a fool than offending the Lord, making the Lord sad. Amen. Es ist besser, dass du als Dummkopf abgestempelt wirst, als dass du den Herrn traurig machst. C'est mieux qu'on puisse dire que tu es stupide, tu es une idiote, au lieu qu'on puisse pas craindre l'Éternel en toi. Is somebody getting it? Praise the Lord. Verse 11. Verset 11. And he said, this will be the manner of the king that shall reign over you. He will take your sons and appoint them for himself, for his chariot, and to be his horsemen, and some shall run before his chariot. Verse 12. And he will appoint him captains over thousands, and captain over fifties, and will set them to the ear his crown, and to reap his harvest, and to make his instrument of war, and instrument of his chariots. Verse 13. And he will take your daughters to be confectionaries, and to be cooks, and to be bakers. Verse 14. And he will take your field, and your vineyard, and your olive yard, even the best of them, and give them to his servants. 15. And he will take the tenth of your seed, and of your vineyard, and give to his officers, and to his servants. 16. And he will take your men servants, and your maid servants, and your goodliest young men, and your axes, and put them to his work. 17. He will take the tenth of your sheep, and you shall be his servants. Verse 18. And you shall cry out in that day, because your king, which you shall have chosen. Do you see it? Which you have chosen, the husband that you have chosen, the wife you have chosen, die Frau, die du ausgewählt hast, the job you have chosen, den Job, den du ausgewählt hast, nimmt dich weg von ihm. Donc, le choix que vous avez pris, la femme, le travail, tous les enfants que vous avez pris, vous avez choisi, ça vous en, empêche de venir vers lui. The husband you have chosen, the wife you have chosen, the job you have chosen, the relationship you have chosen. Are you getting it? C'est ça qu'il a écrit en verset 18. Vous criez en ce jour-là à cause de votre roi que vous avez, vous serez choisi, mais Yahweh ne vous excusera pas. C'est le même choix que tu dois faire aujourd'hui. Even the parents you have chosen. Somebody getting it. Même allow Christ alone to be your family. Laisse-tu dans Christus alleine une famille. Même les parents que tu es en train de choisir. Amen. Donc tu dois vraiment vouloir que l'Éternel soit ton seul choix. Amen. Amen. Are you yourself that you have chosen? Dass du dich selbst gewählt hast. Et même quand tu choisis ta propre vie. You just name it. There are so many that can take you away. Es gibt so viele Dinge, die dich wegnehmen können vom Herrn. Il y a beaucoup de choses qui peuvent vraiment t'éloigner de l'Éternel, les relations que tu as choisies. Une Beziehung, die du gewählt hast. Praise the Lord. Hallelujah. And the Lord will not hear you in that day when you are crying for help. Der Herr wird dich nicht hören, wenn du dann schreist um Hilfe, weil du deine Entscheidung getroffen hast und die Konsequenz dafür tragen musst. L'Éternel va pas t'écouter parce que, comme il est écrit ici dans verset 18, on vient de lire, il va pas t'écouter parce que c'est toi-même qui as choisi. Tu as choisi ta propre vie, une autre vie, mais tu ne lui as pas choisi. Who did you choose to replace him? Even pastor that you have chosen. That is not coming from him that you have chosen. Welchen Pastor hast du gewählt? Are you getting it? Because they preach what you love. They preach what you like. Was dir gefällt. Peu importe qu'est-ce que tu as choisi, qu'est-ce que tu as choisi pour remplacer l'Éternel. Même un pasteur qui prêche ce que tu veux écouter, qui ne vient même pas de lui. The church you have chosen. You minded to be. L'église que tu as choisi. Amen. Because everything there is palette. Weil er alles von uns. It's all going on. Everything is in order. Weil alles geregelt läuft. Même l'église que tu as choisie parce que tout va bien, il y a beaucoup de membres, ils se mêlent pas de tes affaires et tout était en ordre. Si c'est ça qui te plaît, c'est tu as fait si ton choix et l'Éternel va pas t'écouter. Nevertheless, the people refuse to obey the voice of someone. Was it the voice of Samuel or the voice of Christ? War es die Stimme von Samuel oder die Stimme von Christus? 19. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. De Samuel. Ils dirent non, mais il y aura un roi sur nous. Donc, est-ce que c'était la voix de Samuel ou bien c'était la voix de Dieu? Actually, it was the voice of God. Ich war die Stimme Gottes. C'était la voix de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. They refused to repent. Aber sie weigerten sich, Buße zu tun. Ein Herz ohne Buße. Mais ils ont refusé de se repentir. Un cœur sans repentance. Nevertheless, the people refused to obey the voice of Samuel. And they said, nay, but we will have a king over us. They already have a king. God was their king. Oh. Eux, ils ont refusé, ils ont dit que non, on va avoir un roi, un autre roi. Malgré ils avaient déjà un roi, c'était Dieu lui-même qui était leur roi. Mais eux, ils voulaient avoir un roi physique. Praise the Lord. Is it better? You know what they say? Which is better? Or which is the greatest? For the only true God to be your king, or for a man to be your king. Dass der einzig wahrhaftige Gott dein König ist, oder dass ein Mensch dein König ist? Avoir un roi naturel ou bien avoir un roi surnaturel qui est le vrai bon Dieu? Are you getting it? Amen. Amen. Which is greater, or let me say, you know, the best for you? For the only true God to be your father. Dass your mother, Gott, your everything. Dein Vater, Mutter, alles ist. Than this world. Amen. Donc ils ont refusé. Or this world. Eux, ils ont refusé le roi surnaturel. Ils ont refusé le surnaturel. Ils voulaient avoir le naturel. C'est vraiment stupide. You know, they are chosen. They desire a natural king. So also people desire their natural parents. Sie haben sich einen natürlichen König gewünscht, genauso wie sich Leute natürliche Eltern wünschen. Ils ont préféré avoir des parents naturels, tout comme les gens aujourd'hui préfèrent avoir des parents naturels, avoir la relation avec leur famille naturelle, qu'avoir la relation avec le seul vrai bon Dieu. Wünschen und bevorzugen, sozusagen. Ils sont en train de préférer. Amen. So. You know Christ, your husband. You know the sick man as their husband. Das Menschen, ein Menschen als den Ehemann suchen. Which is the best? Ein Menschen als ihre Ehefrau suchen. Was ist besser, Christus oder ein Mensch aus Fleisch und Blut vergänglich? Ils ne veulent même pas. Donc ça ne les suffit pas d'avoir un mari surnaturel qui est Jésus-Christ. Ils veulent toujours avoir un mari physique qui est naturel. Without Christ, marriage is a battlefield. Ohne Christus ist die Ehe ein Schlachtfeld. Sans Jésus-Christ, un mariage est un champ de guerre. It's a battlefield. Es ist ein Schlachtfeld. Before husband, key wife, or wife, key husband, we don't even know. Bevor der Mann die Frau tötet oder die Frau den Mann tötet, weiß man es nicht. Donc, sans l'Éternel. Un mariage sans Jésus-Christ dans le mariage. Le mariage est vraiment un combat de champ parce que c'est une question de temps. Combat de champ. Comment on dit, maman? Getting better is getting worse. Donc ça sera un champ de bataille parce qu'il y aura toujours des problèmes et ça va toujours devenir de plus en plus pire. Hein? Und es wird nicht besser, sondern schlechter, weil, wie gesagt, in einem Schlachtfeld gibt es zwei Parteien, die gegeneinander sind. Ne? Und wenn man nicht eins ist in Christus, wird man immer gegeneinander kämpfen. Parce que ça sera toujours plus pire, parce que dans un champ de combat, champ de bataille, il y a deux camps qui sont toujours en train de lutter contre l'autre, l'un contre l'autre. Et c'est pour cela il y aura toujours seulement de la paix quand un d'eux est tombé. Donc ça signifie que les problèmes ne vont pas diminuer, ça va toujours devenir plus grand. He's still there today. Amen. The Lord will say, allow me to choose for you. No, I want to choose by myself. Ja, und das passiert immer noch. Der Herr spricht ja immer noch. Er ist der gleiche gestern, heute und für immer. Und deswegen sagt er heute immer noch und warnt uns vor unseren Entscheidungen. Aber wir entscheiden dennoch gegen ihn. Et c'est comme aujourd'hui, ils continuent toujours à nous dire, choisis-moi, choisissez-moi, ne choisissez pas l'être humain, les choses terrestres, choisissez le surnaturel, et c'est moi le seul surnaturel. Mais parce que vu qu'il était le même hier, aujourd'hui et pour toujours, il continue à dire les mêmes choses, à se répéter aujourd'hui. Mais nous, qu'est-ce qu'on est en train d'obéir? Qu'est-ce qu'on choisit? You know, those you want to be like. Verse 20. Those you want to be like. Are you getting it? Praise the Lord. He said that we also may be like all the nations, and that our king may judge us, and go out before us, and fight our battles. You know, who can fight battles? Is it the true God or man? Wer kann wirklich Kriege führen? Ist es der Mensch oder Gott? Ils ont dit ici, et nous serons, nous serons nous aussi comme les autres nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Qui doit vaincre notre bataille quand on a l'Éternel? C'est nous ou bien c'est l'Éternel qui est en train de vaincre pour nous? Praise the Lord. Combattre pour nous. Beware of your desire. Sind durch den acht vorigen Wünschen. On doit vraiment faire attention de nos voeux. Beware of your decision. Beware of what you choose. And you are so hooked on it that you cannot let it go. Und du bist so festgefahren in dieser Entscheidung, dass du sie nicht loslassen kannst. Just like they were hooked to it. Genauso wie sie sich fest entschlossen haben. On doit vraiment faire attention. Amen. De nos choix. Verse 21. And Samuel heard all. And Samuel heard all the words of the people, and he rehearsed them in the ears of the Lord. Just like I lied on my bed several times, I just say I'm just be speaking to him. Praise the Lord. Hallelujah. And the Lord said to Samuel, hearken unto their voice, and made them a king. And Samuel said unto the men of Israel, go ye every man unto his city. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. I hope you understand it. Ich hoffe, ihr versteht das. J'espère que vous comprenez ça. He sent Samuel to warn them. Er hat Samuel geschickt, um sie zu warnen. Il a envoyé Samuel à leur prévenir. But they refused to repent. Mais ils ont refusé de se repentir. They refused to obey the voice of Samuel. Sie haben sich geweigert, die Stimme von Samuel zu gehorchen. Ils ont refusé d'obéir la voix de Samuel et de l'Éternel. Means they refused to obey the voice of God. Das heißt, sie haben sich geweigert, die Stimme Gottes zu gehorchen. Ils ont refusé d'obéir à la voix de l'Éternel. Praise the Lord. Amen. Just like my voice today. Genauso wie meine Stimme heute. Tout comme ma voix aujourd'hui. I can never be here without Christ. Ich kann niemals hier sein ohne Jesus Christus. Es ist nicht möglich. Et tout comme moi aujourd'hui, c'est vraiment impossible d'être ici devant vous sans l'Éternel. The message alone. You know. I'm not hearing it from somebody and I'm preaching it. Directly from him. Allein die Botschaft zu verkündigen und die Botschaft überhaupt zu haben, weil ich sie nicht von irgendjemand anderes mir kopiere oder abschreibe, sondern dass sie wirklich von ihm direkt kommt und ich sie hier verkündigen kann. Donc, le fait que je suis pas en train de copier les paroles de l'Éternel dans notre humain, seulement de l'Éternel, ça c'est vraiment une victoire. My voice is of Christ. Meine Stimme ist von Christus. Ma voix, c'est la voix de l'Éternel. Amen. Parce que c'est lui que je suis en train d'obéir. Praise the Lord. Amen. And we just read that of Nineveh, the city of Nineveh. Wir haben gerade das von Nineveh gelesen, von der Stadt. On venait de lire l'histoire de la cité de Nineveh. He sent Jonah to warn them. You can see the difference between them. Mm. Between that of Samuel and that of the Nineveh. Mm. Amen. Er hat Jonah dahin geschickt, um sie zu warnen, und sie haben direkt Buße getan. Ja, aber hier bei dieser anderen Situation, bei Samuel, sie haben sich geweigert. Il a envoyé Jonah pour prêcher, et ils se sont repentis. Mais ici, il a envoyé Samuel, mais ils ont refusé de se repentir. Vous pouvez voir la différence. Er hat gesagt, du entscheide. Il a, nous a toujours dit, du entscheidest, dich Buße zu tun. Il nous a toujours dit, et continue à nous dire aujourd'hui, que c'est à nous de choisir, choisir de se repentir. Are you getting it? Mm. Praise the Lord. Alleluia. They repented in Nineveh. Sie haben Buße getan in Ninive. Ils se sont repentis à Ninive. And the Lord loved it. Und der Herr hat es geliebt. Because he loved repentance. Weil er Buße liebt. Et l'Éternel a aimé ça parce que lui il aime la repentance. He never ignores you once you come for repentance. Er if you choose repentance, if you choose to repent and turn to him, he never ignores you. Er ignoriert dich niemals, wenn du wirklich Buße tust und zu ihm kommst. Er liebt das wirklich. Quand tu te repens et tu vas vers lui, lui il aime ça, il aime vraiment que tu puisses retourner vers lui et te repentir. You know, that of Jonah help us to know that some we don't even like your repentance. Und das von Jonah wird zeigen, dass einige Leute deine Buße noch nicht mal gefallen wird. Et c'est l'histoire de Jonas va nous faire voir que même quand tu te repens, les autres personnes ne vont même pas aimer ça. Certaines personnes vont pas aimer ta repentance. Just like some pastors will not like your repentance. Genau wie einige Pastoren deine Buße nicht gefallen wird. Amen. Tout comme autres personnes, autres pasteurs par exemple, ils vont même pas accepter ou bien aimer ta repentance. You know, Jonah, because of his selfish motive. Jonah, wegen seinem selbstsüchtigen Motiv. Et Jonah, par exemple, à cause de sa... de ses motifs vraiment plein de soi. Selbstsüchtiges Motiv. De ses motifs égoïstes. If you go to Jonah 4 and see what happened there. Wenn wir zu Jonah 4 gehen und sehen, was da passiert. Si tu vas à Jonas 4 et tu vois ce qui s'est passé. He was expecting evil. Er hat das Böse erwartet und hat gedacht, dass das auf sie kommen wird. Jonas, lui, il s'y attendait de quelque chose de mauvais qui va venir à ce peuple. But we thank the Lord. He helped Jonah to understand how he loved repentance. Und er hat Jonah gezeigt, wie sehr er Buße halt liebt. Mais on remercie l'Éternel parce que l'Éternel a aidé à Jonas à comprendre comment il adore la repentance. Amen. I hope, you know, I listened to your Bible to our Bible studies yesterday, and I was hearing Ustaze explaining something. You can see it that you know after then he sat aside to check to watch how what he preached is going to, you know, can I don't know how, you know, take Christ himself for him to be able to walk with us. Es braucht Christus, mit ihm zu gehen. Das Herz der Menschen. Das Herz der Menschen ist so bösartig. Donc on voit dans cette histoire comment l'Éternel, malgré Jonas, était vraiment très égoïste. Il a pris ce tube dans un coin. Il a pris son temps à le faire comprendre comment c'est important de la repentance. Donc l'Éternel prend son temps aussi pour nous enseigner des histoires. You want to be proved right. Du möchtest deine Others are destroyed. Und deswegen nimmst du in Kauf, dass Leute zerstört werden. Hauptsache, du hast recht. Donc Jonas, il voulait seulement avoir raison, même si ça signifie que les autres personnes puissent mourir ou bien puissent être détruits. Pour lui, bon, l'important c'est que je puisse avoir raison. Praise the Lord. C'est vraiment égoïste. Alléluia. The Lord loves repentance. Le Herr pousse. L'Éternel adore la repentance. 21, on va lire Matthieu 21. Praise the Lord. Mm. Matthieu 21. Matthieu 21. 21. In the kingdom of heaven, there is repentance. A lot of repentance. We continue to repent. Mm-hmm. Every day repentance. Amen. Immer wieder Buße. Dans le royaume des cieux, il y a beaucoup de repentance. On continue toujours à se repentir chaque jour. Praise the Lord. Alléluia. You know, it's like what he told me the other day. He said, no one is even blessing the ministry in this. Because I was so happy. I said, Father, thank you for your children. That they are always there for you. Es gab eine Zeit, wo ich wirklich gesagt habe, dass, Vater, ich danke dir, dass die Kinder Gottes wirklich für dich da sind und die Gemeinde segnen. Il y avait un temps, j'ai dit à l'Éternel, merci, Papa, pour tes enfants qui sont en train de bénir la maison de l'Éternel. He said, are they really there for me? Er hat mich gefragt, sind sie wirklich für mich da? L'Éternel m'a demandé, est-ce qu'ils sont vraiment là pour moi? Er hat mir dann Dinge erklärt. Et puis, il m'a expliqué des histoires. And I said it to some of you, and I thank the Lord for the repentance. Und ich habe es einigen von euch gesagt, und ich danke dem Herrn für die Buße. Et j'ai dit ça à quelques entre vous, et je peux voir la repentance. I don't know if all of you have heard it. Ich weiß nicht, ob alle von euch es schon gehört haben. Je ne sais pas si vous avez tous écouté ça. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Somebody shaking his head. Amen. You know, I just thank him that God, his children are always there for him. Ich danke ihm, dass seine Kinder immer für ihn da sind. Je lui remercie parce que tous ses enfants sont toujours là pour lui. Because when I saw what the children have, you know, some is blessing his house with 200, the other one with 150, some with 170, the other with 250. Then he said, are they really there for me? I said, yeah, because for me, I'm comparing it with the old. You know, the old, somebody can just come with 5 euro. A lot were doing it for years. Und, amen. Er hat mich dann gefragt, sind die denn wirklich für mich da? Und ich habe gesagt, ja, ich finde schon, weil ich habe halt diese Beträge von jetzt mit den Beträgen von früher verglichen. Und damals haben Leute 5 Euro in die Gemeinde gegeben, wenn sie überhaupt in die Gemeinde gegeben haben. L'Éternel m'a demandé, parce que moi j'avais vu qu'il y avait les enfants ont donné 100 euros, 200, et l'Éternel m'a demandé, ils sont vraiment là pour moi? Et moi je me suis dit, oui, parce que je les comparais avec le passé, parce qu'au passé il y avait les gens qui venaient avec 5 euros pour chaque mois, par exemple. Et moi, j'ai comparé ces deux-là et j'ai dit, ben oui, maintenant, ils ont compris, en fait. He said, especially if you are living here. Er hat gesagt, besonders wenn du hier lebst. Et l'Éternel m'a dit, surtout si tu habites ici. Amen. Amen. He said, if for example, we are not his children, the nature of people. He said, if the state is there for the people, how much are they paying for one person? Und er hat mich gefragt, dass wenn ihr beispielsweise nicht in ihm wärt, also nicht mit mir wärt, also nicht wiedergeboren wärt und einfach fleischlich zusammenwohnen würdet, wie viel würde der Staat einer Person zahlen? Il m'a dit surtout les gens qui habitent ici, par exemple, si ces gens-là habitaient ici, qu'ils étaient pas, qu'ils venaient seulement à cause parce que l'État les a envoyés ici, et donc le social les a envoyés ici seulement pour vivre ici. Donc si on n'avait pas un rapport avec le sang de Jésus-Christ, seulement comme ça, combien l'État allait payer aux propriétés de cette maison? Parce qu'il paye pour le propriété de cette maison dès que quelqu'un décide de vivre ici, vu que vous n'avez pas un lien familial. Amen. Propriétaire. You know, I said, how much is the start? The normal money that the start pay for one person. I can remember when Best was here for months. And we took her to, where was it? Here in Deutschland. And it was then they now asked me how have she been feeding. I said, through the ministry. And the man said that if somebody is here, that they're supposed to be paying 350 for one person. Mm. I'm supposed to be getting 350 from the start because of her. He said, but because we did not meet her, that you can see how much we have lost. It was almost a year or so. Are you getting it? Und, according to what they explained to us there. Als Best noch hier war, da waren wir halt beim Einwohnermeldeamt Und Best war halt ein Mädchen, das aus Nigeria gekommen ist und sie hat hier, war hier illegal, wollte sich zum Asyl bewerben und wir hatten ihr dabei geholfen und wir waren dann mit ihr beim Einwohnermeldeamt und wollten sie dann halt anmelden, registrieren, damit sie halt offiziell sich als Asylantin melden kann und sie registriert ist. Und der Mann, der Berater, hat uns dann gefragt, wie lange sie hier ist. Und dann haben wir gesagt, ja, schon seit, keine Ahnung, 6 Monaten oder sowas lebt sie jetzt schon bei uns. Hat er gefragt, und wie finanziert ihr das? Und dann, ja, haben wir gesagt, ja, durch die Gemeinde finanzieren wir das, ne, mit Essen, Trinken, Strom, all das. Und hat er gesagt, ja, hättet ihr sie angemeldet, dann hättet ihr vom Staat 350 Euro für sie monatlich bekommen, weil das dieser Betrag ist, den man einfach bekommt, wenn man wenn man mit jemandem zusammenlebt oder jemanden aufnimmt sozusagen. Je me rappelle quand il y avait une fille qui venait du Nigeria, qu'on avait pris ici en charge, et cette fille-là, elle était venue ici et elle habitait ici avec nous. Et quand on est parti pour l'enregistrer ici dans la cité ici à Mönchengladbach, il y a l'État qui nous a dit que oui, normalement, si vous l'enregistrez, vous avez droit à 350 euros parce que vous êtes en train de prendre en charge la fille en question. Donc, chaque personne qui prend en charge une personne qui n'appartient pas de sa famille, donc juste pour être gentil comme ça, a droit à 350 euros de la part de l'État allemand. Praise the Lord. Amen. And you know, can you ask me how much was it? Is the start? I said 350. He said, then how much are the children blessing here? He said, I can see that they are not even blessing him. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, I said it to, immediately he revealed it to me. I went to the kitchen, those in the kitchen that were with us, I just helped them to know it. Mm. And immediately, I could see repentance from everywhere. Amen? Blessing. He said, no, because you're not 350. Then if you are bringing 200, it means you are not even there. So I thought, it's not about money. It's about choosing him. Mm. You understand me? Out of joy, I was so happy and said, Father, thank you for your children, that they have been there for you. That was how he started bringing out all this. Because he loved repentance. Und wie gesagt, es geht halt nicht um Geld. Ich habe ja, wie gesagt, dem Herrn gesagt, dass ich dankbar war für das, was gegeben wurde oder was gegeben wird. Aber er mir dann halt das daraufhin gesagt hat. Und ich habe das halt in einer kleineren Runde gesagt. Und nachdem der Herr mir das offenbart hat, dass 350 ist ja der Betrag, den man eigentlich vom Staat bekommt, und dass wenn Menschen halt dann weniger als 350 geben, dann geben sie ja eigentlich gar nicht wirklich, ne? Weil das ja eigentlich so das ist, was der Staat eigentlich sogar einem geben würde. Und ich habe das dann halt mit den einigen wenigen hier geteilt, die hier waren, und heute ist auch das erste Mal, wo ich das hier in der Gemeinde auch nochmal öffentlich teile. En fait, l'Éternel m'avait dit que moi j'étais vraiment si contente que j'avais vu comment les enfants sont en train de bénir la maison de l'Éternel. Et l'Éternel m'a dit que ceux qui habitent ici, par exemple, si l'État allemand est capable de donner à une personne qui prend quelqu'un en charge 350 euros, non? Ça signifie que normalement, les enfants devraient faire aussi du moins de la même manière, au moins 350 euros aussi. Et moi, ça m'a, j'étais surprise quand l'Éternel me l'a dit. Et quand j'étais à la cuisine, j'ai dit ça aux enfants, qu'ils étaient là, qu'ils étaient présents. Et j'ai vu que les enfants, ils avaient une repentance dans leur cœur. Praise the Lord. Hallelujah. You know, we don't love something like this. But we love when God says, there's abundance for coming for you. Und wir lieben so eine Botschaft oder Nachricht vom Herrn nicht. Aber wir lieben es, wenn der Herr sagt, dass Dinge auf uns zukommen oder dass Überfluss kommt oder irgendwelche Sachen kommen. Das will der Mensch gerne hören. Donc nous, des histoires comme ça, parce qu'il s'agit de l'argent, ça, c'est, il s'agit que toi, tu dois donner, tu, que Dieu veut que tu puisses donner encore de plus. Ça, on n'aime pas écouter. Mais quand il s'agit que de dire, d'écouter que l'Éternel a déjà tout prévu, il t'a déjà tout donné, ou bien qu'il t'a béni vraiment en abondance, là, ça, on aime écouter des messages pareils. He said because they don't understand the message. Die Botschaft nicht verstehen. They understand the message. Just like that widow woman understood Elijah. Elijah, when he went to the widow woman, said to her, give me the last food. He said, they will not even, it will not be the other way. Und genauso wie die Witwe, die Elijah ihr letztes Essen gegeben hat, weil sie ihm vertraut hat. Weil sie es verstanden hat, was er gesagt hat. Und weil sie, also vielleicht hat sie es in dem Moment nicht verstanden, aber sie hat geglaubt. Mhm. Ne? Und dann hat sie am Ende sogar verstanden, weshalb dass das Richtige war. Ne? Weil danach war ja dann Überfluss. Ne? Im Haus gab es niemals wieder eine Hungersnot. Mhm. Und genauso sagen wir halt, müssen wir halt auch die Botschaft verstehen. Weil wenn wir es verstehen, werden wir auch so geben. Mhm. L'Éternel m'a dit à la fin que les enfants, quelques personnes entre eux, par exemple, vont pas le comprendre. Parce que vont prendre ça un peu bizarrement parce qu'ils ne sont pas encore capables de comprendre les messages. Parce que dès que tu es capable de comprendre les messages, ce sera comme la femme qui était à la fontaine avec Élisée, par exemple. Elle, quand Élisée lui a dit que donne-moi tout ce que tu as à manger, elle pouvait aussi. Elle n'avait pas compris ça à la base, hein, mais elle avait fait confiance. Et après ça, elle était capable de comprendre de quoi il s'agissait. Et c'est tout comme nous aujourd'hui. Les messages qu'on est en train d'écouter, on doit vraiment faire effort à les comprendre et puis obéir à la voix de l'Éternel et lui faire confiance. Praise the Lord. Hallelujah. You know, for years, this ministry, no one ever, you know, for years, there was no one blessed the ministry except from the beginning, mercy. Amen. Praise the Lord. Amen. No one. For years. It was when we now came from Nigeria. That was after Corona. It was now so much. But before then, it was a month. It was always 1 month or 2 months. Somebody's there, nobody's there. But we thank the Lord that there's a lot of repentance. Amen. The law of repentance. Jahrelang haben sehr viele Leute nicht regelmäßig in die Gemeinde gegeben. Ne? Leute haben eher so fluktuiv in die Gemeinde. Heißt das so? Keine Ahnung, einfach nicht so viel gegeben. Sporadisch, ja. Genau, sporadisch in die Gemeinde gegeben. Ne? Einmal gegeben, dann 3 Monate wieder nicht gegeben, dann wieder gegeben, dann wieder nicht gegeben. Es gab keine Regelmäßigkeit da drin. Ne? Es war halt auch immer so eher so stoßweise, dass okay, ich habe jetzt darüber gepredigt und dann haben ein paar Leute gegeben und dann ein paar Monate wurde es wieder vergessen. Aber nachdem wir aus Nigeria gekommen sind letztes Jahr, dann habe ich gesehen, dass Leute es wirklich ernst genommen haben und das wirklich wie so ein fester Betrag war, wie eine Miete, dass die Leute einfach wussten, das ist einfach das, was ich tue jeden Monat. Und früher war das leider nicht so. Früher war die Einstellung bei allen nicht so. En fait, il y a des années, vraiment beaucoup des années, qu'il y avait même personne qui bénissait la maison de Dieu. Sauf Messi qui le faisait régulièrement. Mais ici, il y avait beaucoup de gens qui donnaient un mois, ils donnent, 3 mois, ils ne donnent pas. Donc, comme ils voulaient. Mais je vois que c'est après Nigeria, donc depuis 2020, que les gens ont compris les messages et ont commencé à donner un montant régulièrement. Ok, on va donner un mini-osso. Merci, un mini-osso. Praise the Lord. The Lord does not want to take anything from us. Actually, he wants us to have abundance. Just like that widow woman. Are you getting it? Just like that widow woman. But, you know, his kingdom is a kingdom that you cannot understand with the natural mind. Aber unser Königreich ist ein Königreich, das man nicht verstehen kann mit natürlichen Augen. I don't have anything. Und natürlich die fleischlichen Ohren werden dann denken, okay, der Herr will mir alles wegnehmen, was noch? Ne, will ja auch noch meinen großen Zeh sozusagen. Aber wenn wir das in Christus sehen, dann sind wir dankbar. alles zu geben, dass wir alles geben dürfen. En fait, si tu es religieux, si tu es charnel, ou bien tu es naturel, tu vois que ce monde ici, les gens vont comme, ou bien tu es religieux, les gens vont commencer à croire que ben, c'est quoi ça avec l'éternel, l'église veut tout prendre de moi, il veut mon dernier salaire, il veut mes vêtements, tout mon corps ou quoi. Mais si tu es spirituel, si tu es vraiment du surnaturel dans le royaume des cieux, le royaume de Jésus-Christ, là tu es capable à comprendre que quand tu donnes, tu es même plus béni que quand tu reçois en fait. If even you are not living here, but you are here. Selbst wenn du nicht hier in diesem Haus physisch lebst, lebst du dennoch hier. Même si tu n'habites pas physiquement dans cette église, mais tu vis ici, tu es toujours ici, tu appartiens. You don't bless the kingdom of heaven because you go to church. You bless the kingdom of heaven because you belong to that kingdom. Genau. Du segnest das Haus Gottes nicht, weil du im Haus Gottes isst und deine Hände wäschst und die Heizung öfters aufdrehst, sondern du gibst das Haus Gottes, weil du zum Königreich Gottes gehörst. Nous on donne pas à la maison de l'Éternel parce que on vit ici ou bien on utilise de l'eau ou bien on ouvre les chauffages, quelque chose comme ça. Non, on est en train de bénir la maison de Dieu parce qu'on appartient au royaume des cieux. The Lord said it is more blessed to give than to receive. Der Herr sagt, geben ist seliger als nehmen. L'Éternel dit que tu es plus béni quand tu donnes au lieu de recevoir. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. In Matthew 21. Matthäus 21, Vers 8. Matthieu 21, 28 à 32. He said, but what think ye? A certain man had two sons. And he came to the first and said, son, go walk today in my vineyard. 29. He answered and said, I will not. But afterwards he repented and went. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Matthäus 21, 28. Was meint ihr? Aber ein Mensch hatte zwei Söhne und er ging zu dem ersten und sprach: Sohn, mache dich auf und arbeite heute in meinem Weinberg. Mm. Der aber antwortete und sprach: Ich will nicht. Danach aber reute es ihn und er ging. Mm. Verset 21, 28 à 29. Mais que vous en semblez? Un homme avait deux fils, s'adressa au premier et lui dit: Mon fils va travailler aujourd'hui à ma vigne. Celui-ci répondit: Je ne veux pas. Mais ensuite, touché de repentir, il y a là. If you look at that of widow woman, that Elijah said, give me the last food. That woman might not understand it, but that woman repented and obeyed. Diese Frau hat es vielleicht nicht verstanden, aber sie hat es geglaubt und hat deswegen Buße getan, hat gehorcht. Tout comme la femme veuve avec Élisée, elle par exemple n'avait même pas compris pourquoi Élisée voulait tout prendre la dernière nourriture qu'elle avait pour elle et son fils. Elle n'avait pas compris, mais elle s'est repentie, elle a fait seulement confiance. And he came to the second and said likewise, and he answered and said, I go, sir, and went not. Praise the Lord. Hallelujah. He said, I will go, but there was no repentance. Er hat gesagt, ich mache es, aber dann hat er es nicht gemacht. Es gab keine Buße, wirkliche Buße aus dem Herzen heraus. Es war nur aus dem Mund. Verset 30, il y avait l'autre fils qui disait que j'y vais, Seigneur, et il n'y a là point. Donc il a dit ça seulement à travers les lèvres, mais dans son cœur, ça ne lui disait rien, il n'est pas parti. Then in verse 31, Jesus answered, whether of them twain did the will of his father? They say unto him, the first. Jesus said unto them, verily I say unto you, that the publicans and the harlots go into the kingdom of God before you. Mm. Praise the Lord. Hey, you know, the truth is so bitter. Die Wahrheit ist so bitter. Amen. Amen. The truth is so bitter. Die Wahrheit ist so bitter. La vérité est vraiment amère parce qu'il dit ici, je vous l'ai dit là, en vérité, les publicains et les courtisanes vous devancera dans le royaume de Dieu. quand il a demandé qui de ces deux hommes était, était obéissant. Amen. You know, the harlots, the publicans, the sinners, the publicans, they call them the sinners. The sinners, the harlots, they believe they are sinners and they repented and follow him. Die Sünder, die Zöllner, sie haben geglaubt, dass sie Sünder sind. Aber was mit dir? Les publicains et les courtisans, c'était des pécheurs. Eux, ils ont dit que oui, nous sommes vraiment des pécheurs et ils se sont repentis. Et c'est pour cela, maintenant, ils sont capables d'aller partir au royaume des cieux. Et toi, quand il s'agit de toi, qui es-tu? But you say you belong to me when you are not for me. Aber du sagst, dass du zu mir gehörst, obwohl du eigentlich gar nicht zu mir gehörst. Mais toi, tu dis que tu appartiens à moi, si, même si tu n'appartiens réellement pas à moi. Amen. Amen. Love what Christ loves. Liebe das, was Christus liebt. Apprends à aimer ce que Jésus-Christ aime. Amen. In Matthew 26. Matthieu 26. À Matthieu 26. From verse 30. Vers 30. Verset 30. Praise the Lord. Alléluia. Matthew 26, from 30 to 35. Matthieu 26, de 30 à 35. Praise the Lord. Hallelujah. Jennifer, can you help us to read verse 30? Verset 30. Und nachdem sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Praise the Lord. Alleluia. You know, Peter denied Jesus. Petrus hat Jesus verraten. Pierre, lui, là, ici on va. He denied Jesus Christ. Not once, three times. Nicht einmal, sondern dreimal. Pierre, lui, il a dénoncé. Non, il a renoncé. Renoncé. Ou il a nié. Ah, 34. Ok. Oui, il a renié, voilà. Merci. Pierre, lui, il a renié Jésus-Christ même trois fois. Amen. And when they had sung on him, they went out into the Mount of Olives. 31. Then said Jesus unto them, all ye shall be offended because of me. If you see what happened to me, you will run. Er hat gesagt, wenn ihr sehen werdet, was mit mir passiert, werdet ihr wütend sein, ihr werdet rennen, ihr werdet provoziert sein. Il a dit ici, si vous voyez ce que moi j'ai fait, vous allez être provoqué, vous allez fuir. You know, the message here provoke people, offend people. Die Botschaft hier provoziert Leute. Les messages ici sont en train de provoquer les gens. Christ's message always offend people. Die Botschaft von Christus provoziert immer. Les messages de Jésus-Christ sont toujours en train d'offenser les gens. His correction always offend people. Seine Belehrung wird Leuten immer ein Anstoß sein. Ses corrections, les gens n'aiment pas écouter. Because his correction is so sharp, it's so hot. Because it's not after the body, but after the spirit. That's Satan. Nicht, need the spirit. The Satan need iron hand. Nicht, nach, that's why it's very sharp. Nicht nach, nach, weil diese, nach dem Fleisch ist, sondern nach dem Geist ist. Hinter dem Teufel ist. Und deswegen muss sie halt aggressiv sein. Ce message, c'est vraiment agressif, c'est vraiment amer pour les gens parce que dans le message est derrière ton esprit, c'est pas pour plaire à ta chair. You know, religion is petty, petty. In yes. Religion geht es darum, Leute eher zu betrüllen. Don't do it like that, so that you will not offend them, so that they will not be sad. Don't hurt their feelings. Zucker in den Hintern zu pusten. Ne, damit niemand wegläuft, damit niemand traurig ist oder Anstoß nimmt und niemand verletzt wird. La religion, les messages de la religion est toujours, veut toujours faire du bien à la chair de l'être humain, veut toujours chercher un compromis, que ça puisse pas vraiment être quelque chose de mal. Donc la religion, c'est vraiment pour plaire à ta chair. Jesus is saying here, something is going to happen to me. Jesus and sagt, all of you will be offended. Es wird mir etwas zustoßen und ihr werdet alle Anstoß nehmen. Keiner wird standhaft bleiben. Jésus-Christ disait ici aujourd'hui ici que quelque chose va m'y arriver et vous serez tout offensé. All ye shall be offended because of me this night. For it is written, I will smite the shepherd, and the sheep of the flock shall be scattered abroad. Praise the Lord. Amen. Verse 32. But after I am risen again, I will go before you into Galilee. 33. Peter answered and said unto him, though all men shall be offended because of thee, yet will I never be offended. Praise the Lord. Though all men will be offended because of you, I will never be offended. Genau, und weil, ja, und er hat halt gesagt, dass ich werde niemals Anstoß nehmen an die. Alle werden Anstoß nehmen, aber ich nicht. Ici, Pierre, quand l'Éternel lui a dit que vous serez tous offensés, Pierre qui disait, ben oui, non, moi, je serai jamais offensé, je veux toujours rester derrière toi. It is not just saying it. Il ne s'agit pas de ce que tu fais, de ce que tu dis, mais il s'agit de ce que tu fais. Donc, il ne faut pas toujours être vite à dire oui, je veux le faire, mais tu dois seulement le faire. Donc, tes actions sont plus grandes que tes lèvres, tes paroles. You know, when people come here, newly, they are, so, you know, they sit there, it's as if they are so devoted. And it's as if nothing can provoke them, and nothing can offend them until something happens. And they are offended. Und manchmal sieht es so aus, als ob Leute hier wirklich wie ein Baum hier fest ins Laminat eingewachsen sind und niemals hier rausgehen würden, ne? Niemals hier rausgerissen werden könnten, weil sie einfach hier so krass verwurzelt sind. Aber auf einmal kommt eine leichte Brise und ne, ehe man sich versieht, sind Leute weg. Man hört nur noch die Autoreifen. Il y a des gens qui viennent ici, qui viennent aussi ici au commencement. Ils sont vraiment très passionnés avec la foi. Ils disent oui. Je sens vraiment très comment dirais-je. Ils sont vraiment très satisfaits. Et donc tu as l'impression que ces gens-là vraiment sont vraiment chauds pour l'Éternel. Ils vont jamais quitter l'Éternel. Et voilà. Ils sont vraiment enracinés dès les commencements. Mais dès qu'il y a un message qui ne plaît pas à leur chair, qui derrière leur esprit, tu vois que ce sont les premières personnes à se détourner, à courir. It's like Jesus said, you know, in Matthew 13. Put something here, let us quickly go to Matthew 13 again. Matthieu 13. He said there are, you know, four grounds, four hearts, four different hearts. Ici, il parle de quatre cœurs différents. When any message is preached here, it goes into four different hearts. Wenn eine Botschaft hier geprägt wird, geht es in verschiedene Herzen. Quand il y a un message qui est prêché ici, look, ça entre dans quatre cœurs différents. Matthieu 13, verset 18. He said, hear ye therefore the parable of the sower. When anyone heareth the word of the kingdom and understandeth it not, then cometh the wicked one and catcheth away that which was sown in his heart. This is he which receiveth seed by the wayside. Can you see? The wayside. Amen. Auf dem Weg gestreut. One type of heart. Eine Art von Herz. Oui. On peut voir ici donc un de ces cœurs. But he that receiveth the seed into a stony places, the same is he that heareth the word, and anon with joy receiveth it. Praise the Lord. Amen. 21. Yet hath not root in himself. You see it. But endure for a while. For when tribulation and persecution arise because of the world, and by is offended. Mm. Another heart. Ein anderes Herz. Un autre cœur ici, on voit. Amen. Amen. Amen. Amen. No root. Keine Wurzel. Il n'y a pas de racine. Then number three. Numéro 3. He also that received seed among the tongues. Also der dritte Boden, aber Vers 21. Verset 21, là, il décrive le troisième cœur. 22. Ja. 22. Amen. Amen. He also that received seed among the tongues is he that heareth the word, and the care of this world, and the deceitfulness of riches, shock the world, and he becometh unfruitful. Oh, praise the Lord. The care of this world, the love of money. Dans le troisième cœur, donc qui est, c'est le cœur qui aime les choses de ce monde. The love of the flesh. Die Liebe des Fleisches. L'amour, the love of the natural family. Der natürlichen Familie. L'amour de la famille naturelle. The love of the natural friends. Der natürlichen Familie, Freunde. Des amis naturels. Amen. He said, choke the world, and he becometh unfruitful. Praise the Lord. Verse 23. But he that received seed into the good ground is he that heareth the word and understandeth it. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And understandeth it, which also beareth fruit and bringeth forth some 100-fold, some 60, and some 30. Praise the Lord. Amen. Amen. Even those that even receive it, you know, the fruit, they are not even on the same level. Selbst die Leute, die es empfangen, selbst die Frucht ist auch nicht. And that's why you can see some after months upon months, the fruit is, you can still see it in them. But some after a week is no longer there. Deswegen bei einigen sind die Früchte, ne, monatelang zu sehen und Monate da, aber anderen c'est vielleicht für eine kurze Zeit, dann sind sie weg. Donc à la fin on voit qu'il y a quatre cœurs différents et que dans ces quatre cœurs, malgré on est tout capable d'écouter le même message, d'entendre les mêmes messages, après quelque temps, tu vas voir que autres personnes les écoutent, ils sont directement en train d'agir, autres personnes les acceptent, ils sont en train de tantonner, autres personnes à la fin ils font semblant ou bien pensent en train de qu'ils sont en train de comprendre et à la fin ils disparaissent, ils ne viennent plus à l'église, ils sont offensés. Tu vois le même message mais quatre cœurs différents et quatre résultats. Back to Matthew 26 please. Matthew. Now verse 34. 26. On va rentrer à Matthieu 26. 34. Le verset 34. And Jesus said unto him, verily I say unto thee, that this night, before the cock crow, thou shalt deny me thrice. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Mm. You know, when people speak, I just see them. Amen. Verse 35. Peter said unto him, though I should die with thee, yet will I not deny thee. Likewise also said all the disciples. Praise the Lord. Hallelujah. They tried their best. C'est mes bestes versucht. Their best is not enough. Mes bestes war nicht genug. It's not good enough. Es war nicht gut genug. Ici on voit en fait que les gens sont vraiment très vite, très prêts à dire quelque chose. Et comme ici, on voit Paul, que Dieu lui a dit que tu vas, Pierre, par exemple, Dieu lui a dit que tu vas me renier même trois fois. Il disait, non, ça ne va jamais m'arriver. Et c'est comme ça que quelquefois on est. And that's why it's not, do your best and leave the rest. Deswegen können wir nicht sagen, your best, your very best is never enough in the kingdom of heaven. You allow the Holy Spirit to lead you. Deswegen können wir auch nicht sagen, mach einfach dein Bestes und den Rest erledigt. Jesus Christus, ne? Damit trennst du dich von Jesus Christus, so als ob du 90% gibst und die letzten 10% sind Jesus. Mm-hmm. Aber wir müssen alles dem Heiligen Geist übergeben, damit er die kompletten 100% ausfüllt. C'est pour cela nous sommes pas comme la religion, parce que la religion dit toujours que oui, fais de ton mieux, le reste c'est l'Éternel qui le fait. C'est vraiment faux de dire quelque chose comme ça. C'est comme si tu voulais dire que à travers ta propre force, tu essayes de faire 90% et le 10% que tu n'arrives pas à faire, c'est l'Éternel qui le fait. Non, c'est faux. Tu dois vraiment tout donner au Saint-Esprit, que l'Éternel puisse tout faire. Toi, tu ne fais rien. Donc, il n'y a pas dans le royaume des cieux, il n'y a rien comme « oui, je fais mon mieux ». Non, tu donnes tout à l'Éternel, au Saint-Esprit, et lui, il fait les 100%. I'm trying my best, it's of the flesh. Sein Bestes zu geben ist vom Fleisch. Je fais mon mieux, c'est une chose qui vient de la chair. C'est la chair qui dit ça. Believe Christ. Glaub an Christ. That's what you want from das you. Stop trying your best in the flesh. Und nicht dein Bestes versuchen im Fleisch. Ton seul devoir est de croire en Jésus-Christ et pas de faire de ton mieux. Parce que de faire de ton mieux, c'est charnel. Mais toi, ton seul devoir, c'est de croire en Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. In Matthew 26, there from this time from verse 69. Look at 26. The same Matthew 26 from verse 69. Matthieu 26, paragraphe. Praise the Lord. Alléluia. 69. To the end. Just now Peter sat without in the place, in the palace, sorry. And a dancer came unto him, saying, thou also was with Jesus of Galilee. Verse 70. And he denied before them all, saying, I know not what thou sayest. Verse 70. And when he was gone out into the porch, another maid saw him and said unto them that we are there, this fellow was also with Jesus of Nazareth. And again he denied with an oath. Not just denying, but with an oath. Mit einem Eid hat sogar geschworen, gesagt, schwöre, ich kenne den nicht. I do not know this man. Praise the Lord. Amen. I swear. Donc ici on voit que quand Dieu disait à Pierre que tu vas me renier, il disait non, jamais, ça va jamais se passer. Et quand ici on lit que ça s'est passé, que la troisième fois ils ont dit que mais oui, tu étais avec lui, il a commencé à dire, à jurer, il a dit mais je jure que j'étais pas avec eux. Verse 73. And after 73. A while came unto him they that stood by and said to Peter, surely thou also art one of them, for thy speech betrayed thee. You speak like them. Tu redest so wie sie. Tu parles comme eux. You believe like them. Tu glaubst so wie sie. Tu crois comme eux. Your action is like them. Deine you know, I've just told you something. Tes actions sont comme eux. They just tell you, yeah, you speak like somebody I know. Amen. Praise the Lord. Yeah. You know, the kingdom of heaven, we speak the same language. Ist dir das schon mal passiert, dass man ihr gesagt hat, du redest so wie jemand, den ich kenne? Ne? Weil im Königreich von Jesus Christus haben wir die gleiche Sprache. Amen. C'était déjà arrivé qu'on te dit que oui, mais quand tu parles, ça me rappelle à quelqu'un, tu parles comme une personne. C'est parce que notre royaume, on a un même langage en fait. Praise the Lord. Alléluia. He said, your speech betray you. Deine Sprache verrät dich. Donc, ta manière de parler, ça te... Upon all, he still denies him. I don't know if you're ready something. Mm-hmm. Upon all, dennoch hat upon the speech verleugnet, that betray him, that gave him out, that he was one with Christ, he was among those that follow Christ, he still denied. Look at verse 74. Obwohl seine Sprache ihn verriet, hat ihn dennoch verleugnet. Donc malgré que la façon à laquelle il parlait, ça l'a révélé, lui il a tout, il a quand même dénoncé l'Éternel, renoncé. He said then began he to curse and to swear, saying, I know not the man. And immediately the cock crew. Praise the Lord. This is hammer. Amen. Another hammer. Verse 75. And Peter remembered the word of Jesus, which said unto him, before the cock crow, thou shalt deny me thrice. And he went out and wept bitterly. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Mm-hmm. He went out and wept bitterly. Ich habe bitterlich geweint. Wir brauchen die Hilfe des Heiligen Geistes. On a vraiment besoin de l'aide du Saint-Esprit, parce que sans le Saint-Esprit, même si tu ne veux pas renier à l'Éternel, sans lui, tu vas le renier. Tu as vraiment besoin de sa force, de sa puissance pour rester avec lui. You can see Peter repented. Er wept bitterly. Hat bitterlich geweint. How can I? Wie konnte ich das tun? Ici, verset 75, on dit que Pierre, étant sorti, il pleura amèrement. Donc, il a vraiment pleuré. C'était une sorte de repentance. And I believe if Judas have repented, he could have been forgiven also. Genauso glaube ich auch, dass wenn Judas auch Buße getan hätte, man hätte ihm auch vergeben können. Okay, moi je pense que si Judas pouvait se repentir comme Pierre ici, il allait aussi être sauvé. Even Lucifer, amen. Selbst Lucifer. Even Lucifer, amen. If Lucifer could have repented, you know the Lord, you know, remember how Jonah described him. Amen. In Jonah 4. Look at Jonah 4 too. God will help you to know who he is. Jonah 4. On va lire Jonah 4. Jonas 4. Praise the Lord. Alléluia. Jonah 4 too. Jonah 4, verse 2. Jonas 4, verset 2. Verse 2. And he prayed unto the Lord and said, I pray thee, O Lord, was not this my saying when I was yet in the country? Therefore I fled before unto Tarshish, for I knew that thou art a gracious God. Amen. And merciful, slow to anger. And of great kindness. Can you see the description? Mm-hmm. Die Beschreibung hier. Est-ce que vous voyez la description? And repented thee of the evil. Are you getting it? Mm. You know, the Lord, he loves repentance so much. Der Herr liebt Buße. I don't know if you are getting it. Mm. He ignore whoever repents. Er ignoriert niemanden, der Buße tut. Er ist immer da für die Person. What matter is repentance. Aber die Frage allow ist, it to come from your heart. Buße, kommt sie aus seinem Herzen oder nicht? Donc, il aime vraiment la repentance. Amen. Amen. If Lucifer have repented, he could have even forgiven him. Hätte Lucifer Buße getan als Engel, hätte er ihn auch vergeben können. On voit que si Lucifer a été se repentissait comme et malgré tout ce qu'il a fait, l'Éternel allait être aussi capable de lui pardonner, mais il n'a pas fait ça. What he hates is a repented mind. Was er aber hasst, ist ein Gedanken, die ohne Buße sind, ein verhärtetes Herz. Ce que l'Éternel déteste, c'est un cœur qui n'est une pensée, une pensée de quelqu'un qui ne veut pas se repentir, donc un cœur vraiment endurci. The mind of Lucifer is unrepentant. Die Gedanken von Lucifer sind ohne Buße. His heart is unrepentant. Sein Herz ist ohne Buße. So, le cœur de Lucifer, ça, la mentalité de Lucifer, c'est un cœur sans repentance. Beware of those that have that kind of heart. Ja, nimm dich nach vor den Leuten, die dieses Herz haben. Fais attention aux gens qui ont un cœur sans repentance. Fou, I pray none of us should have that mind. Ja, weil es ansteckend ist und ich bete dafür, dass niemand diese Gesinnung hat. Cette mentalité ou bien ce cœur de pas se repentir, c'est vraiment ça peut contaminer et c'est pour cela que je prie que personne entre nous aussi puisse avoir un cœur pareil. Amen. The Lord correcting us instead of us repenting, we are offended. Ja, der Herr belehrt uns und statt dankbar zu sein, sind wir nehmen wir Anstoß. L'Éternel nous corrige au lieu de lui remercier, d'être reconnaissant, on le prend comme un problème. He said he always corrects those he loves. Er belehrt immer die er liebt. Amen. Il a dit que il corrige toujours ceux qu'il aime. Praise the Lord. Alleluia. You know what is blocking that victory from coming outside. And he wants to prevent it. Und er weiß, was im Weg von diesem Sieg, von diesem von ihm ist. Und deswegen will er das wegmachen. Il sait le chemin de la personne qui est en train de qui l'aime. Et c'est pour cela qu'il corrige pour que tu puisses te repentir, pour que tu puisses rester dans son chemin, parce qu'il t'aime. But we will believe him. Werden wir ihm glauben? Est-ce que tu es capable de lui croire? Werden wir ihm vertrauen? Est-ce que tu lui fais confiance? Amen. Amen. We love to understand him. Amen. Or do even act on it without even understanding. Oder selbst auch handeln, ohne zu verstehen. Wir wissen, dass er halt... You don't understand it because it is you, Lord. I obey. Ich handle, auch wenn ich es nicht verstehe, aber dennoch vertraue ich dir und weiß, dass du da bist. Deswegen kann ich, ohne zu verstehen, dir folgen, weil ich dir vertraue. Je ne comprends pas, peut-être je comprends pas ce que tu veux me dire, l'Éternel, mais je te fais confiance et j'accepte ce que tu viens de me dire et je me repentis. Let us learn to repent. Lass uns lernen, Buße zu tun. On doit vraiment apprendre à se repentir. He loves repentance. Er liebt Buße. Il aime la repentance. Lucas 15. On va lire à Luc 15. Praise the Lord. Amen. Lucas 15. Luc 15. From verse 11. Verset 11. And he said, a certain man had two sons. And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. And he divided unto them his living. 13. 13. And not many days after, the younger one gathered all together and took his journey into a far country. And Jeff wasted his substance with riotous living. Amen. Mm-hmm. Righteous living. Verse 14. 15. And when he had spent all, there arose a mighty famine in that land, and he began to be in want. 15. 15. And he went and joined himself to a citizen of that country. And he went and he sent him into his field to feed swine. Verse 16. 16. Verse 16. And he would fain have filled his belly with the hogs that the swine did eat, and no man gave unto him. And when he came to himself, praise the Lord. Hallelujah. This man came to himself. Dieser Mann ist sozusagen wieder nüchtern gewesen, also war wieder bei Sinn. Amen. Cet homme avait maintenant maîtrise de soi. We pray that people should come to conscience. They should come to themselves. Wir hoffen, also wir beten, dass Leute wieder zur Besinnung kommen. Just like this man. Wie dieser Mann hier. Amen. En plus seulement que les gens puissent avoir maintenant la conscience. Bevor es zu spät ist. Avant que ça puisse être trop tard. He said, how many hired servants of my father's have bread enough and to spare, and I perish with hunger. 18. 18. I will rise and go to my father, and will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee, and I am no more worthy to be called your son. Mm-hmm. Amen. Make me as one of your higher servants. Can you see a repentant heart? Mm-hmm. Ici, diese Buße und diese Demut, die in dieser Bitte liegt. Ici, tu vois cette repentance et cette humiliation que cette personne avait. Yeah, the Lord is telling us, he's teaching us how he loves repentance. Ici, l'Éternel te fait voir comment il aime la repentance. Verse 20. And he arose and came to his father. But when he saw yet a great way off, his father saw him and had compassion, and ran and fell on his neck and kissed him. He loved repentance. Verse 20. 20, verset 20, il aime repentance. Amen. You can see how the Lord loves repentance. Amen. Amen. Once you now say, Father, forgive me. I'm ready now. Are you getting it? Wenn du wirklich sagst, Vater, vergib mir, ich bin wirklich bereit jetzt, dann er liebt das. Just like this man. Si tu dis, Père, je suis même pas prêt, je suis prêt à me repentir, lui il aime ça, il adore ça. He said he ran, his father ran to him, had compassion, and fell on his neck and kissed him. Can you see how he loved repentance? My son was once lost, and now he's found. Mein Sohn war verloren, aber jetzt ist er gefunden. Mon fils a été perdu, mais maintenant je l'ai retrouvé. Praise the Lord. Alléluia. Yeah. Verse 20. And the son said unto him, Father, I have sinned against heaven and in the sight, and am no more worthy to be called your son. But the father said to his servant, bring forth the best robe, and put it on him, and put a ring on his hand, and shoes on his feet. Is somebody getting it? Mm. Can you see somebody that loves repentance? Mm. Jemand, Jesus, der diese Umkehr no liebt. Amen. On a lu 20, 21, 22. Praise the Lord. Et là, tu peux voir la personne qui aime la repentance. Verse 23. He said, and bring hither the fat calf, and kill it, and let us eat and be merry. For this my son was dead, and is alive again. And he was lost, and is found. And they began to marry. Amen. Praise the Lord. Alleluia. Can you see salvation? Tu peux voir la salvation. He was dead and, tot, is now alive again. Lebt er wieder. Il était mort, mais maintenant il vit. Just like you and me, we are once dead. But now we are alive again. Through Christ. Comme nous, avant, on était mort et maintenant on est en train de vivre à travers l'éternel. We died, Johnny, when Adam and Eve fell. That today we are alive because of the of Christ coming to save us. Als Adam und Eva gefallen sind, ne, wir wurden sozusagen in diesen Tod mitgetauft. Und als wir aber dieses Christ empfangen haben, sind wir in seinen Tod, der in der Auferstehung geendet hat, auferweckt worden zu neuem Leben. Mm. Tout comme avant, on avait tout comme quand on était tombé à travers Adam et Ève, et maintenant à travers Jésus-Christ, il nous a donné notre vie, il nous a donné notre possibilité à se repentir, à vivre de nouveau. Praise the Lord. Hallelujah. Maybe we should even read it to the end. Very interesting. Verse 25. Now his elder brother, his elder son was in the field, and as he came and drew nigh to the house, he heard music and dancing. Can you see music and dancing? What we also do here? Dancing unto Jesus. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. Play music and dancing unto our Father. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. Verse 26. He called one of his servants and asked what these things meant. Verse 27. And he said unto him, your brother is come, and your father had killed the fatted calf, because he had received him safe. And he was angry. Il était sauer. Ici, il était fâché. Amen. Angry like Jonah. Amen. Amen. I would not go in. Therefore came his father out, and he treated him. And he answering said to his father, Lord, this many years do I serve thee, neither transgress I at any time thy commandment, and yet thou never gavest me a key that I might make merry with my friends. But as soon as this your son was come, and had devoured thy living with harlot, thou hast killed for him the fatted calf. Verse 31. And he said unto him, Son, thou art ever with me, and all that I have is thine. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. And that's why we can never be jealous of one another. Und deswegen können wir niemals neidisch aufeinander sein. Because what belongs to you belongs to me. Amen. Deswegen, on ne peut jamais être jaloux l'un vers l'autre, contre l'autre, parce que ce qui t'appartient appartient aussi à moi. Amen. What belongs to Christ belongs to you. You have everything already. Ce qui t'appartient appartient aussi à moi parce que tu as tout. Verse 32. À Jésus-Christ. He said it was meant 32. That we should make merry and be glad. For this your brother was dead and is alive again. and was lost and is found. Amen. Praise the Lord. Amen. I hope you enjoy it. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise Jesus. Amen. Amen. Amen. Look at Luke 15. Lucas 15. Luke 15. Amen. Luke 15. You know we have been reading Luke 15. Now Luke 15 again from verse 3. Verset 3. He hates to lose any of his sons. Er hasse seinen Söhne zu verlieren. Il déteste de perdre un de ses fils. That's why he loves repentance so much. Und deswegen liebt auch Buße. Et c'est pour cela il aime vraiment la repentance parce qu'il n'aime pas de perdre un de ses fils. 3 jusqu'à 7. And he spread this parable unto them, saying, what man of you having 100 sheep, if he lose one of them? Praise the Lord. Alleluia. Amen. We thank the Lord is in direction so that we can go back to it over and over again. In 99, in the wilderness, and go after that which is lost until he found it. Amen. Oh. Praise the Lord. Alleluia. He is sad when somebody leaves. Est traurig, wenn ihm niemand verlässt. L'Éternel est vraiment triste quand quelqu'un quitte de lui. Amen. On doit vraiment arrêter de lui faire triste, la tristesse. Amen. Mm-hmm. You are not egal for him. Du bist ihm nicht egal, sozusagen. Tu n'es pas gleichgültig. Tu n'es pas. Whatever happened to you, it's your business. You know, I got to. His story is for him. He doesn't want it. If you are not a guy for him. Tu bist ihm nicht gleichgültig. Donc tout ce qu'il s'agit de toi, c'est vraiment intéressant pour l'Éternel. Il s'intéresse de tout ce qui se passe dans ta vie. Amen. That I don't care whatever happened to you. It's not like that. It's a father that takes good care. Er ist ein Vater, der gut auf dich I want to know everything about you. You're going out, you're coming. Und alles über dich wissen will, dein Ein- und Ausgehen. The smallest thing in you, you want to know them. Er will das kleinste über dich wissen. Not just the big ones. Amen. Donc c'est un père qui veut toujours savoir tout ce qui te concerne, pas seulement des grandes choses, même les petites choses. Because so many times what take people out is just a little thing. Denn oft ist es eine kleine Sache, die Leute einfach rausbringt aus dem Königreich. Parce que souvent c'est seulement même les petites choses qui sont en train d'arracher les personnes de lui. Verse 5. De l'enlever de lui. Écarter de lui. Verset 5. And when he had found it, he laid it on his shoulder, rejoicing. He rejoices when there is repentance. Er freut sich, wenn es Buße gibt. Il se réjouit quand il y a une repentance. It means he is sad when there is no repentance. Das heißt, er ist traurig, wenn es nicht passiert, wenn keine Buße passiert. Et ça signifie qu'il est triste quand il n'y a pas de repentance. Amen. Mm. Verse 6. Verset 6. Praise the Lord. Hallelujah. And when he cometh home, he called together his friends and neighbors, saying unto them, rejoice with me. You know, he is just revealing himself to them. The Lord, the true God is revealing himself to us here. Who ici, he on voit que is. L'Éternel est en train de se révéler qui il est réellement. Rejoice with me, for I have found my sheep, which was lost. Amen. Praise the Lord. Alleluia. He loves your salvation. Il aime ton erreton. Il aime vraiment ton salut. He's enjoying it. He's enjoying you. Er genießt dich. Amen. L'Éternel, il aime vraiment ton salut. Don't go back to the world. Geh nicht zurück zur Welt. Ne rentre pas dans ce monde. Amen. Choisis-lui et continue à le choisir. Verset 7. I say unto you. Verset 7. That likewise joy shall be in heaven over one sinner that repented. Hey, more than over 99 just persons which need no repentance. Hmm. Praise the Lord. Hallelujah. He's talking about those in law. Es geht um die Menschen, die im Gesetz sind. Ici, il s'agit des gens qui sont dans Amen. La loi. If one, not you under this umbrella of grace, is one is gone. He preferred that one to combat that 99 of those in law to You understand? For him, it's all about him. Ihm ist eine Person besser, die wirklich Buße aus dem Herzen tut, als 99 gerechte Menschen, die keine Buße brauchen, meinen zu brauchen. Pour l'Éternel, c'est vraiment important qu'il rentre, même pour une personne qui se repentit vraiment de son cœur, de tout son cœur, que suivre 99 personnes qui n'ont même pas de cœur repentance. Amen. Amen. He's so sad to lose anyone. Er ist traurig, jemanden zu verlieren. Il est vraiment triste de perdre quelqu'un. Amen. Amen. If you also read from 8 to 10. If that what woman 10. Having 10 pieces of silver. 8 jusqu'à 10. If he lose one piece, doth not light a candle and sweep the house and seek diligently till she find it. He's always looking for a way for his children to come back to him. Immer noch einen Weg, damit seine Kinder zurückkommen zu ihm. L'Éternel, lui, cherche toujours un moyen pour que ses enfants puissent retourner vers lui. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Verse 9. And when she had found it, she called her friends and her neighbors together, saying, "Rejoice with me, for I have found the peace which I have lost." Likewise, verse 10. Merci. I say unto you, there is joy in heaven. There is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repented. Can you see repentance? How the Lord loves it. Let us learn to repent. Instead of fighting the truth, fighting those that correct us. Anstatt die Wahrheit zu bekämpfen und die Leute zu bekämpfen, die uns die Wahrheit sagen möchten. Est-ce qu'on est capable de comprendre comment l'Éternel aime la repentance au lieu de combattre les gens qui nous aiment, qui nous disent la vérité, qui sont derrière notre salut? He is sad to lose anyone. Er ist traurig, jemanden zu verlieren. Il est triste de nous perdre, de perdre un de nous. Just like there is joy in heaven over a sinner that repented. So also there is sadness in heaven over losing somebody. Genauso gibt's auch Trauer im Himmel, wenn jemand verloren geht. Et c'est comme ça aussi, il y a une tristesse au royaume des cieux avec les anges et là où Dieu est quand un de nous se perd. We are sad when anyone is out of this ministry. Wir sind traurig, wenn Leute die Gemeinde verlassen. Nous sommes vraiment très tristes si un de nous quitte l'église. Because we know how it is, how hard it is to find a living church. Wir wissen, wie hart es ist, eine lebendige Gemeinde zu finden. It's not impossible. Wenn nicht sogar unmöglich. Parce qu'on sait comment c'est dur. On sait que c'est dur, c'est aussi très difficile ou bien presque impossible de trouver une église vivante. Amen. Amen. We know how hard it is to find a living church. And that's why when somebody is out of here, we are sad, just like heaven is sad. On est vraiment triste quand quelqu'un quitte l'église parce qu'on sait que c'est vraiment difficile de trouver une église vivante parce qu'il y a beaucoup d'églises religieuses dehors. Et tout comme au royaume des cieux, ils sont tristes. C'est comme ça aussi qu'aujourd'hui, nous sommes tristes. Stop making heaven to be sad. Sie hört auf, den Himmel traurig zu machen. Arrêtez de rattrister le royaume des cieux. Anytime you say no to Christ, heaven is always sad. Wenn wir nein zu Christus sagen, ist der Himmel traurig. Toutefois, quand on dit non à l'Éternel, au royaume des cieux, yes, le royaume est triste. Heaven rejoices. Aber ja, zu ihm zu sagen, das freut den Himmel. Et quand on dit oui, ça plaît au royaume des cieux. He said, "Heaven rejoices over a sinner that repented." Der Himmel freut sich über einen Sünder, der Buße tut. Parce que le royaume des cieux est content, est vraiment très content quand un pécheur se repent. If you turn it around, you will know that you see that heaven is sad over somebody that is gone out of heaven. Das heißt, der Himmel ist auch traurig über jemanden, der aus dem Himmelreich rausgeschmissen wurde, also ist selbst rausgeschmissen aus dem Himmelreich sozusagen. Le royaume est vraiment triste quand même une personne quand on lui oui quand une personne quitte le royaume des cieux. And that is why this ministry is sad anytime anyone is out of it, because we know he is out of heaven. Genau, weil deswegen ist der Himmel auch traurig, weil diese Person raus aus dem Himmel dann ist. Parce que c'est pour cela aussi que l'Éternel est aussi très triste quand un de ses enfants quitte le royaume des cieux. Praise the Lord. C'est pour ça que l'Éternel est triste quand un de nous quitte l'église parce qu'il sait que cette personne n'est plus dans le royaume des cieux. Sure, okay. Amen. Donc, on va se repentir afin de retrouver le bon chemin. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. It depends on how you are out of here. It also depends on how you are out of here. Und es kommt darauf an, wie du hier rauskommst. Mm. Also wie du hier rausgegangen bist. Ne? Aus der Gemeinde sozusagen. Amen. Ja. Abraham and Lot. Ça dépend aussi de la manière dans laquelle tu quittes l'église. Are you getting it? Abraham and Lot separated, not to fight. They did not separate to fight. Mm. Amen. Amen. The separation was of God. Yeah. Amen. It's not separation to fight. Man muss sich halt anschauen, was der Grund ist für diese Trennung. Zum Beispiel Abraham und Lot, die haben sich nicht getrennt, weil die haben sich nicht im Streit getrennt, sondern die haben sich um des Friedens willen getrennt. Ne? Und das muss man sich halt auch fragen. Wenn Leute aus der Gemeinde gehen, gehen die aus Streitgründen hier raus, ne? Wegen dem Teufel, oder gehen die wirklich raus, weil der Herr sie irgendwo anders hinschickt? Tout comme Abraham et Lot, quand ils se sont séparés, ils n'étaient pas séparés parce qu'ils avaient un problème. Ils se sont séparés à cause de l'Éternel. Et c'est pour cela, quand toi, tu quittes l'Église, tu dois vraiment checker, bien revoir tes motifs. Est-ce que c'est parce que c'est dans l'Éternel ou bien c'est dans la chair? Amen. Maybe Abraham and Lot separated, not to fight, but to be one. Abraham und Lot haben sich nicht getrennt, um... getrennt zu sein, sondern um eins zu sein. Abraham et Lot, par exemple, se sont séparés pas pour être divisés dans l'Éternel, mais pour être un dans l'Esprit. Praise the Lord. Amen. You know how you live here matters a lot if you are living. Wie du hier aus dieser Gemeinde gehst, ist sehr wichtig. Quand tu quittes cette église, comment tu le fais, c'est vraiment important. Amen. It's not through fighting. Nicht durch, it should never Streit be. Und Kampf. C'est pas à travers un combat. Ça doit Amen. Jamais être comme ça Amen. Que tu dois combattre l'église ou quelque Praise chose comme the ça. Lord. Amen. It should never. You know that it is not through misunderstandings, through fighting. That alone will help you to know that this is Satan. Wenn es halt durch Missverständnisse, durch Streit, durch Fleisch ist, dann wissen wir, dass das auch nicht vom Herrn gewollt ist, diese Trennung. Also dass das halt einfach teuflisch ist und fleischlich ist. Si, si, à travers, si tu quittes à travers des problèmes ou bien des incompréhensions, comme ça, des histoires comme ça, ça fait voir que la séparation ne vient même pas de l'Éternel. You know, if we say if you are out of here, you are out of heaven. Some will not even want to believe it. Wenn wir sagen, that if you are out of this ministry, you are out of heaven. Dass wenn du raus bist aus dieser Gemeinde, bist du raus aus dem Himmel. Einige Leute wollen das so nicht wahrhaben. Quand quelquefois on dit si tu te sépares de nous, bien tu quittes l'église, tu quittes aussi le royaume des cieux. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent même pas comprendre ce qu'on veut dire. Praise the Lord. Amen. Some will not allow to know if you want to believe, even those of you that are sitting here. Viele wollen das nicht glauben, selbst Leute, die hier sitzen, wollen es vielleicht sogar nicht glauben. Il y a beaucoup de gens qui ne vont même pas comprendre ça. Même vous qui sont assis ici. Quand je vous dis que si tu quittes l'église, tu quittes le royaume des cieux, tu ne vas même pas croire ça. Praise the Lord. C'est pour cela qu'on va lire 2 Pierre. Second Peter. In Noah's ministry, where only 8 people were saved, after preaching for more than 100 years, no one will believe if Noah said to them that if you are not part of us, you are finished. I don't know if you are getting it. Noah's Gemeinde sozusagen. Hätten viele Leute auch in Frage gestellt, ob ja, okay, wenn ich jetzt den Worten von Noah nicht glaube, werde ich dann direkt zerstört, also ist es bei Force, muss ich unbedingt Noah glauben, ne? Da redet ja jetzt schon so lange, ich kann doch dennoch eine Zukunft haben, auch unabhängig von Noahs Warnungen, unabhängig von Noahs Worten, aber es war so, wer nicht auf Noah gehört hat und mitten in diese Arche gegangen war, der war, sein Leben war vorbei. On voit par exemple Noé, lui, il avait que 8 personnes qui étaient sauvées avec lui quand il était en train de construire l'arche, par exemple. Il y avait beaucoup de gens qui allaient aussi dire que oui, bon, seulement parce que je n'entre pas dans cette arche, ça ne signifie pas que je ne veux pas être sauvé. Mais à la fin, on voit que quand Dieu a inondé tout le monde, il n'y avait que 8 personnes qui étaient capables à être sauvées. C'était des personnes qui étaient dans l'arche. 2 Peter 2. Let's read from 4, it's okay, 4 to 9. Mm-hmm. 2 Pierre 2, 4 à 9. Amen. 2 Petrus 2. 4 to 9. He said, for if God spared not the angels that sinned, but cast them down to hell, and delivered them into chains of darkness, to be reserved unto judgment. Verse 5. 5. And spared not the old world. I love this place so much. I don't know about you. Amen. Mm-hmm. He spared not the old world, but saved Noah, the 8th person, a preacher of righteousness. He was a preacher just like me today. Bringing in the flood upon the world of the ungodly and turning the city. Praise the Lord. Let me stop there first. Amen. You know, if Noah has told them that if you don't believe me and follow me, it's over with you. You are doomed. You know, they will say, what are you saying? Are you the only one that is a preacher? Wenn ihr mir nicht glaubt und mir folgt, dann seid ihr verurteilt. Hätte auf mich gesagt, ja, bist jetzt der Einzige, der predigt. Aber es war so in dieser Situation. Ici, on voit, verset 5, on voit que Noé était un prédicateur comme moi. Et si Noé disait ces jours-là que les gens, quand les gens disaient qu'on va pas venir dans l'arche, si Noé osait les dire que si vous me suivez pas, vous êtes déjà jugé, vous êtes déjà condamné, par exemple. Les gens allaient dire que oui, mais qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu es la seule église ici? Tu es le seul prédicateur ici, mais on voit que c'est seulement à travers Noé que les gens pouvaient être sauvés, seulement les 8 personnes. Malgré il y avait aussi d'autres prédicateurs, mais ces autres prêcheurs-là aussi, ils sont aussi morts. Praise the Lord. Hallelujah. And I'm very sure it was not only Noah ministry that was existing then. Und ich bin mir sicher, dass damals die Gemeinde von Noah existiert hat. Et je suis vraiment très sûr qu'il n'y avait pas seulement l'église de Noé qui existait. Imagine, Noah might have even told them, if you don't follow me, you are doomed. It's over. Noah hat ihnen vielleicht auch gesagt, wenn ihr mir nicht folgt, werdet ihr zerstört. Ihr werdet nicht errettet sein, aber sie werden das niemals glauben. Si Noé osait dire que si vous me choisissez pas, vous êtes déjà condamné, vous êtes déjà détruit. Vous n'allez même pas croire, Noé. Tout comme nous aussi, quelquefois, on croit pas que quand on quitte cette église, on n'appartient plus au royaume des cieux. Amen. Amen. So also is that of Sodom and Gomorrah. Genau, das ist auch das mit Sodom und Gomorrah. Verset 7, on va voir aussi. From verse 6, please. From verse 6. À partir du verset 6, on va continuer à lire que à Sodom et Gomorrah, c'est la même chose. He said, I'm turning the cities of Sodom and Gomorrah, 2 cities, into arches, condemn them with an overthrow, making them an example unto those that after should live ungodly. And deliver just Lot, vexed with the filthy conversation of the wicked. For that righteous man dwelling among them, in seeing and hearing vex his righteousness so from day to day with their unlawful deeds. The Lord knoweth how to deliver the godly out of temptations, and reserve the unjust unto the day of judgment to be punished. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. How many people were saved in that 3 And there are two cities, only three people. Wie viele Leute wurden errettet aus dieser Stadt? Nur drei Leute. Quand on va ici, Sodome et Gomorrhe, c'est la même chose. Combien de personnes ont été sauvées dans deux cités, c'était seulement trois personnes. Imagine if Lot have told them that if you don't, you know, preach the message, if you don't follow us, you are dead. It's over. No one will believe. Hätte Lot die Botschaft gepredigt, dass wenn ihr nicht folgt, werdet ihr sterben, seid ihr verloren, hätten das auch viele nicht geglaubt. Si Noé, si Lot était capable à leur dire que si vous me croyez pas et vous me suivez pas, vous allez tous mourir, il y avait aussi personne à Sodome et Gomorrhe qui allait lui suivre, ils n'allaient pas le croire. Amen. So also is here in this ministry. Genau, ist auch hier in dieser Gemeinde. Tout comme dans notre église ici. We know who we are. Wir wissen, wer wir sind. Nous sommes qui nous sommes. We know what we have. Nous savons qui nous sommes. Et nous savons qu'est-ce qu'on a. Wir wissen, was wir haben. Praise the Lord. Amen. We know who we are. We know what we have. Wir wissen, wer wir sind und was wir haben. Nous savons qui nous sommes et on sait aussi qu'est-ce qu'on a. Praise the Lord. Hallelujah. I don't know if I'm even too close because it's already three. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. This message we see continue. Amen. Amen. We still have a lot. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Praise Jesus. Amen. Amen. Amen. So please, if there is